bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence à ce nouveau bar des sciences, ce nouveau mardi de l'espace, une saison supplémentaire qui va commencer. On va parler de Rosetta ce soir. Et comme toujours en pareille circonstance, comme toujours au Mardi de l'espace, c'est Xavier qui fait l'intro. Merci, je te remercie, Paul. Il a fait sa belle voix de basse, là. Oui, j'ai pas mal. Oh, j'avais besoin d'un peu de chaud. Je vois ça. Pour ce premier mardi. Et vous dire à tous que parfois, dans le chagrin de la perte d'un être tant aimé, dans le désespoir d'un amour perdu à jamais, les muses antiques nous inspirent. Est-elle Orphée se retournant pour un dernier adieu à Eurydice? J'ai écrit ces quelques lignes pour toi, Rosetta. Juste un dernier baiser avant de nous laisser dans la nuit étoilée, toi qui fus éloquente aujourd'hui. Tu te tais. Plusieurs fois nous pensions t'avoir perdu dans ton voyage nyctalope, mais tu finis ton périple qu'il crut tel Ulysse retrouvant Pénélope. Il nous a ravi ton enfant Philae de sa grande dextérité, a enfoncé ses bras dans le sol inconnu de Tchouri, Gerasimenko mis à nu. Espérons que tu entendes cette chanson pour toi, pour ne pas t'oublier, toi qui fus et pour tous resteras. Rosetta, Rosetta. Oh, bravo. Merci, merci. On va donc parler de Rosetta ce soir et vous avez... Vous savez très bien que le 30 septembre dernier, on a assisté à un crash, le crash de Rosetta sur la comète à la vitesse ébouriffante de 3 km/h. Mais c'était quand même un vrai crash. Et ça a été la fin d'une aventure qui avait commencé 12 ans plus tôt. Et cette histoire de Rosetta, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, un succès scientifique, évidemment, avec une moisson de données énorme. On va bien sûr largement en reparler ce soir. Un succès technique aussi avec de grandes premières qui ont été réalisées. C'est la première fois, par exemple, qu'on accomplit des orbites autour d'une comète. Et puis, un succès populaire, hein, vous en êtes le témoin ce soir, un vrai succès populaire, un vrai succès de communication. Et pourtant, tout n'a pas été facile avec cette sonde. Et ce soir, on va lever un voile sur la réalité de ce que vivent les équipes de pilotage au quotidien. On va voir quelles sont les difficultés qu'a connues Rosetta. C'est un appareil dont on peut dire aujourd'hui qu'il est vraiment robuste, résilient. Il a connu beaucoup de pannes et on a même failli le perdre, c'est vous dire. Et on va revoir tout ça ce soir avec vous, avec vos questions, parce que je vais venir, hein, je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenantes ce soir. C'est Sylvain Laudio et Francis Rocard. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes, Francis Rocard, un habitué des mardis du CNES, bien sûr. Oui, un habitué. Donc, moi, je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire au CNES, c'est-à-dire tout ce que la France fait en exploration des planètes, des comètes. Et donc, Rosetta, ça fait 23 ans. On a démarré en 93, je crois. Sélectionner les charges utiles au niveau du CNES, définir ce qu'on allait faire sur Philae, ça a été une histoire intéressante. Et jusqu'au bout de l'aventure, et voilà, donc une belle aventure qui se termine. Et Sylvain Laudio. Ouais, donc bonsoir à tous. Alors moi je suis basé au centre de contrôle des satellites de l'Agence spatiale européenne, donc d'où on a contrôlé Rosetta. Et voilà, donc je suis encore, mais on a malheureusement plus de satellites à faire voler. J'étais responsable des opérations de la sonde. Ce que vous appelez satellite, c'est Rosetta, hein, ce que j'appelle, parce qu'elle a été satellisée autour de la comète. C'est à la fois une sonde et un satellite. Exactement. Hein, on utilisera les deux mots. Voilà, pour les scientifiques, donc les 13 instruments qui étaient à bord de Rosetta. Donc Sylvain, vous l'avez compris, c'est un vrai navigateur planétaire. Ouais. Non, un vrai. Non, ouais, mais ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, lui, en Europe, en est un. Et j'ai cru comprendre que c'était un costaud parmi les navigateurs planétaires. Il en faut. Je voulais saluer les personnes du groupe Paris Space Exploration Meetup qui sont présentes, qui sont venues par meetup.com. Et puis moi, je m'appelle Paul Debrême, je suis journaliste scientifique et je suis ravi d'être avec vous pour une nouvelle saison. Je vais me permettre juste de prendre quelques instants pour vous, parce que là, c'est la première de la saison, hein, mais on a 9 rendez-vous. Dans un mois, on va parler du New Space, donc ces nouveaux milliardaires qui veulent tout changer dans le domaine de l'espace et même aller sur Mars, évidemment, dans quelques années. Star Wars, ça va être en décembre. On va parler de Star Wars entre mythe et réalité. Qu'est-ce qu'il y a de mythologique? Qu'est-ce qu'il y a de réel dans Star Wars? Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des sabres laser? Ce genre de choses-là, un jour. Le corps à l'épreuve des voyages spatiaux, ça, ce sera en janvier. Donc, voilà, le corps dans l'espace, comment ça marche? Vous savez que on le dit pas tellement, mais en fait, certains astronautes vivent vraiment dans des conditions absolument terribles. Vivre un an dans l'espace, on n'en sort pas indemne, c'est pas évident quand même. Et puis notre galaxie révélée par Gaïa en mars. Gaïa, c'est ce satellite extraordinaire qui a cartographié les étoiles de la galaxie avec une précision inégalée en produisant des pétades, octets de données. Satellites et gaz à effet de serre, on va parler donc de climat en avril, et puis on parlera d'ExoMars en mai, on va en reparler d'ailleurs ce soir, parce que demain il y a une grande première, hein. On va avoir le module Schiaparelli qui va aller se poser sur la planète rouge, et puis les animaux suivis à la trace, ça sera en juin, donc on va parler d'animaux qui se sont suivis à la trace. Oui, tu parles d'ExoMars, pour ceux qui sont intéressés, demain... vous pouvez venir à Poissy, je vous invite à regarder sur internet. Donc à Poissy, nous allons vivre l'événement de 14h à 22h, animé par Gilles Davidovitch, que certains connaissent. On va un peu reprendre l'histoire de Mars et vivre la descente de Schiaparelli jusqu'aux premières informations de confirmation. J'espère qu'il s'est bien posé. Ok, alors Rosetta, là, c'est quand même notre sujet. Francis Rocard, vous connaissez bien en particulier la science qui a été produite avec Rosetta. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de résultats. Est-ce qu'on peut juste avoir une idée de ce qui est pour vous le résultat principal, ce qui vous a le plus intéressé, étonné dans toute ce grand nombre de choses découvertes? Je dirais qu'avec Rosetta, déjà avec Giotto en 86, mais avec Rosetta, l'Europe est leader dans l'étude des comètes, je pense qu'on peut le dire. C'est bien. C'est pas tous les jours que l'Europe est en première ligne. Et je crois qu'on a, à travers l'étude de cette comète, mieux compris comment ces objets se formaient. En gros, ils se forment dans des conditions plus calmes qu'on pensait. On a beaucoup imaginé des collisions destructrices. C'est pas ce qu'est la comète Churyumov-Gerasimenko. Le fait qu'il y ait deux morceaux de comète collés l'un à l'autre, ça aussi c'est un résultat qui est maintenant relativement bien établi. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste une seconde pour regarder la première page? Et on voit effectivement cette forme absolument incroyable de notre comète, la première page du fascicule, hein, que vous devez avoir sur vos tables. Et on voit on l'appelle Bilobé, hein, vous l'appelez Bilobé. Voilà, donc ça a été une extraordinaire surprise de l'été 2014, et ça a été un extraordinaire cauchemar pour les ingénieurs. Ah oui. Parce que imaginer de déterminer le champ de gravité d'un objet bilobé comme celui-là, c'était extrêmement complexe. D'ailleurs, très vite, on va dire les membres de l'équipe de Sylvain à l'époque nous avaient dit vous ne vous poserez pas au niveau du cou de la comète, c'est une zone interdite parce qu'on est incapable de modéliser le champ de gravité. Ah oui, on ne sait pas comment ça va se produire, l'attraction gravitationnelle. Donc Philaen, nous on voulait se mettre au niveau du cou parce qu'on voulait avoir le cou, le grand lobe, le petit lobe, avoir les deux. On aurait eu un paysage extraordinaire. Donc il a fallu se contenter d'aller sur le Petit Lobe en l'occurrence, parce que c'était le site qu'on a estimé le meilleur. Mais donc cet aspect bilobé, comme je viens de le dire, il y avait deux hypothèses. Soit on avait une comète qui se coupait en deux, soit on avait deux comètes qui se sont collées par un choc inélastique et relativement lent. Mais on pouvait imaginer effectivement que ce soit une comète, un gros bloc patatoïde, et qu'elle commençait à se couper comme ça, parce que c'est ce qu'on observait à l'été 2014. D'accord. À l'été 2014, la zone la plus active, c'était le cou. Active, ça veut dire qu'elle est en train de dégazer, quoi. Elle dégaze. Ouais. On a bien compris ce qu'était le dégazage. Je crois que maintenant, toutes ces manifestations circulaires sur la comète, qui ne sont pas des cratères d'impact, je précise, sont en fait les pieds des jets. Donc il y a des trous, c'est ça, des trous circulaires. C'est pas des cratères d'impact. Il y a des grands trous qui font une centaine de mètres de diamètre, wow, parfois autant de profondeur. Et on a un mécanisme qui est maintenant bien compris. Ce qui était très difficile, c'est que les jets, vous ne les voyez qu'au limbe, sur fond du ciel sombre. Mais donc, dans l'axe, un peu comme ça, là, un peu comme ce qu'on voit là sur la première page. Ouais. Mais le jet qui vient droit vers vous, vous ne le voyez pas. Ouais. D'ailleurs, on ne le voit pas sur la photo. Et donc, arriver à localiser le pied du jet, un peu comme, j'aime dire, trouver le pied de l'arc-en-ciel. Ah, alors, oui. Aller au pied de l'arc-en-ciel, ce n'est pas possible. Mais par contre, avec des images prises dans des angles différents, on arrivait à faire de la 3D et à localiser la zone. Et on a pu corréler chaque jet avec une grande dépression qui parfois fait 100 mètres. Et on a compris que ces dépressions étaient la source de jets. Avec du gaz qui s'échappe à 1000, 2000, 3000 km/h. Oui. C'est quand même très rapide. Et des grains qui s'échappent à beaucoup plus faible vitesse en fonction de leur taille, les plus gros retombant sur la comète. Les grains, c'est de la poussière, c'est ça ? Alors, les grains, c'est de la poussière principalement organique, riche en carbone, qui est universelle. C'est-à-dire que Virtis a mesuré la présence de carbone partout sur la comète. C'est un instrument de Rosetta. Hein. Un instrument qui travaille dans l'infrarouge, qui mesure la vibration des molécules. Et merci. Et donc, on a pu déterminer qu'il y avait de la matière carbonée inconnue partout sur la comète, Petit Lobe, Grand Lobe, dans le cou, etc. Donc, c'est pas des cailloux que vous voyez. Une comète, je dirais, je pourrais prendre le matériau et je pourrais en faire de la poudre. C'est comme friable. C'est très friable. Ouais. C'est 70 à 80% de vide. 70 à 80% de vide. C'est poreux, extrêmement poreux. Les grains, par exemple, s'échappent de la comète sous la forme d'énormes flocons qui immédiatement se désagrègent. Et ce qui arrive sur un autre instrument de Rosetta qui s'appelle COSIMA, qui collecte les grains, c'est des vagues de flocons qui tombent sur la cible. La cible est grande comme ça, hein, pas bien grande. Donc c'est pas continu, c'est de temps en temps, flac, vous avez un paquet de grains qui tombent parce que c'est probablement un gros grain floconneux qui s'est désagrégé. Et l'ensemble est tombé sur la cible. Donc c'est extrêmement fragile. On peut penser que cette comète va se casser. On aurait pu espérer la voir se casser. Bon, on l'a pas vu se casser. Ah, vous auriez aimé ça ? Ah, on aurait adoré. Qu'est-ce qu'on aurait pu espérer voir ? On aurait eu un énorme sursaut d'activité. D'activité de la comète. Oui, de molécules, etc. De molécules, de grains, de luminosité. Ouais. Vu depuis la Terre, ça aurait fait un truc absolument très spectaculaire. Elle va se casser un jour. C'est très probable. Vous dire qu'elle va se casser dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans, ça c'est difficile. Ce sera probablement en passant près du Soleil quand même. Bien non sûr, oui, c'est au moment où elle est la plus active qu'elle se casse. On comprend aussi que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sont absolument extrêmement différents. Il y a, l'hémisphère nord est tapissé de ces grains, de dépôts qui font filets mesurés 20 cm à l'impact, mais on pense qu'à certains endroits c'est des mètres, alors que l'hémisphère sud c'est complètement différent. Il y a une disparité totale, l'effet de saison qui est très prononcé sur la comète, fait que c'est l'hémisphère sud qui voit le soleil quand on est près du soleil. Donc l'hémisphère sud est extrêmement actif très peu de temps, juste au passage au périhélie. Et à l'inverse, l'hémisphère nord a tendance à recevoir les grains sous forme de dépôt. Et comme l'hémisphère nord fait face au soleil quand on est loin, l'hémisphère nord est moins actif. Donc il y a une séparation très forte entre le nord et le sud. C'est pour ça que les images de la comète sont très différentes suivant qu'on regarde le nord ou qu'on regarde le sud. Sylvain Laudio, quand Francis Rocard en parle, on se dit qu'on a un paysage qui est totalement extraordinaire. On a des phénomènes qu'on n'imaginait pas, des geysers, plein de choses qu'on apprend. Et alors pourquoi est-ce qu'on a envoyé Rosetta se cracher à la grande vitesse de 3 km/h puisque j'ai cru comprendre qu'on aurait pu continuer à faire en sorte que Rosetta suive la comète encore quelques années. Alors le problème qu'on commençait à avoir, c'est qu'on était à nouveau tellement loin du soleil qu'on n'avait plus assez d'énergie pour déjà en septembre garder tous les instruments actifs en même temps. Donc il y avait déjà une partage des ressources. En ce moment, on est en conjonction, donc Rosetta est de l'autre côté du soleil par rapport à la Terre, donc les communications sont extrêmement dégradées. Cette phase-là dure un mois et en gros, fin octobre, on n'a plus assez d'énergie pour opérer la sonde complètement. Donc on aurait dû, si on voulait garder la sonde active, réhiberner. Réhiberner parce qu'on l'a déjà fait pendant 2 ans et demi, la sonde a été mise en hibernation, donc exactement. On sait faire. Mais là, ça aurait été 3 ans et demi parce que l'orbite est un peu différente. Et en fait, ce sont les scientifiques, déjà en novembre 2014, qui ont décidé, parce que on vole ces missions pour les scientifiques. Donc ils ont eu le choix entre réhiberner ou se poser sur la comète. Et donc ils ont décidé de se poser sur la comète. C'est eux qui décident. Toute façon, il fallait, on ne pouvait plus continuer à opérer la sonde à partir de fin septembre. D'accord. Non, c'est oui. Pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Non, non, alors. Bah, tu dis-le. Francis, qui décide? Ah bah attendez, prenez le micro. Il y a un représentant, donc le Project Scientist, qui est un membre de l'ESA, mais qui représente les scientifiques, et c'est eux qui décident des trajectoires qu'on vole et de ce qu'on fait de la mission. Francis Rocard n'est pas d'accord. Oui, mais l'ESOC, dont tu fais partie, a l'ultime décision. C'est-à-dire que si les scientifiques veulent quelque chose qui est dangereux, l'ESOC dit non, on ne le fera pas. C'est trop dangereux, on ne veut pas mettre la mission en danger. Et en l'occurrence, il y a aussi un autre aspect, c'est que l'hibernation et tout le tralala, hormis le fait qu'à l'ESOC, c'était très compliqué à gérer, hormis le fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'ergols à bord, que la sonde commençait à piller, c'est le carburant. C'est vrai que la solution de se poser était finalement un consensus qui était unanime, tant par vous, les navigateurs, que par les scientifiques. Ouais. L'ESOC, c'est le centre de commandement de l'agence spatiale européenne à Darmstadt, en Allemagne. C'est vrai qu'à l'ESOC, en novembre 14, on était assez favorable à se poser sur la comète nous-mêmes. Mais alors, pour revenir sur les ergols, il y avait encore beaucoup de carburant. On aurait pu continuer de longs mois encore. D'accord. Alors, ça fait une demi-heure qu'on a commencé. On pourrait continuer à papoter entre nous trois et pendant encore longtemps. Mais vous êtes très nombreux. Je suis sûr que vous avez très envie de discuter directement avec les intervenants. Bah, écoutez, on n'a qu'à commencer tout de suite le jeu des questions-réponses. Vous levez la main, je viens vers vous, vous posez votre question et puis on papote ensemble. Hein, c'est ça le principe des mardis de l'espace. On doit être combien? On est plus de 100, on doit être 100, 140 là. Il n'y a pas une seule main qui se lève. Alors, je vais laisser un petit peu de silence. Je vais vous laisser réfléchir. Et voilà, ça y est, c'est parti. Monsieur, c'est à vous. Bonjour. Vous avez dit que les G, ils allaient genre en 1000, 2000 km/h, je crois, de mémoire. On a une idée de qu'est-ce qui projette la poussière à cette vitesse-là, ou pour l'instant, on n'en a pas de... Enfin, on ne sait pas. Alors, c'est quoi le moteur, là, de ces geysers? Les G, en fait, c'est une cocotte minute entre, non pas de l'eau liquide, et de la vapeur, mais entre de la glace et de la vapeur. Donc la glace est dans la comète, la comète est chauffée par le soleil, l'onde de chaleur pénètre, et dès que l'onde de chaleur atteint la zone de glace, cette glace se sublime, passe de la phase solide à la phase gazeuse. Il y a une énorme surpression, parce qu'en termes de volume, la glace contient un tout petit volume, et la vapeur commence à prendre un énorme volume. Comme la comète est fracturée de partout, Ce gaz sous pression se passe à travers les fractures et s'échappe à 1000, 2000, 3000 km/h. Ça a été mesuré. Et après, il y a un effet Karcher, un effet d'entraînement, qui fait que ces gaz qui frottent les parois entraînent, détachent des grains qui sont entraînés dans le gaz. Donc c'est un effet, moi j'appelle ça l'effet Karcher, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Et ensuite, les toutes petites particules partent au-delà de la vitesse de libération qui est très faible, qui est de l'ordre de 1 mètre par seconde. Et c'est ces particules qu'on retrouve dans la queue de poussière des comètes, bien connues. Mais les plus grosses n'atteignent pas la vitesse de libération, font une belle parabole et retombent sur la comète. Quand je dis les plus grosses, ça peut atteindre peut-être le centimètre, peut-être le décimètre. Et c'est ça qui crée le tapis de poussière dont je parlais tout à l'heure. Et là, partout où vous avez ce tapis, c'est une zone qui n'est pas active. Parce qu'inversement, dès qu'elle se rend active, ce tapis localement s'échappe et le trou se forme. Merci pour ces questions, cette réponse courte. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de poser des questions. Il y avait une question là. Bonsoir. L'ergol, il en restait beaucoup, mais à quoi ça sert quand on tourne autour de cette comète? Et une deuxième question. Moi, je pensais que la fin de vie, c'était se cracher. En fait, j'ai entendu se poser. C'est quoi l'intérêt? Alors des ergols, et des ergols, donc c'est le carburant. Je vous en prie. Alors si vous à quoi ça sert? Si vous avez le dépliant, si vous regardez page 7. On va aller page 7, tous ensemble. Et donc ça, ce sont les trajectoires que Rosetta a empruntées une fois qu'on est arrivé à la comète. Donc, alors ça quoi? Parce que là, je suis perdu. Moi, je viens plein de choses dans tous les sens. Ouais, alors on va... Donc si vous regardez à gauche... Vous donc avez c'est les deux grands triangles gris. Les deux grands triangles, en fait, ce sont des arcs hyperboliques que Rosetta a suivis en arrivant à la comète. Donc le premier était à 100 km de la comète, le deuxième à 50. Et chaque fois qu'il y a un changement de direction, en fait, ça se fait avec une manœuvre. Et pour faire une manœuvre, on a besoin d'ergols. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à faire des vraies orbites comme un satellite autour de la Terre. Parce alors, que là, autour de la comète, parce que la comète, c'est le trait orange, si je comprends bien. Non, c'est juste la comète, c'est le petit point noir. C'est juste le petit point noir, Le trait orange, c'est la direction vers le Soleil. Ok. Et donc on s'est mis en orbite autour de la comète, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Oui. Donc là ce sont des arcs plus ou moins inclinés par rapport au Soleil, donc on voit un arc à 30 km et à 20 km. Mais par contre ce qu'on peut voir sur la droite, c'est que l'arc de 30 km, il y a un changement de direction au bon moment. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que on navigue, enfin mes collègues de l'ESOC, de Fly Dynamics, naviguaient autour de la comète en faisant de la navigation optique. Et la navigation optique, ça sous-entend prendre des images, avoir des points de repère sur les images et reconstituer les trajectoires comme ça. Alors si on continue l'orbite, eh ben, on se retrouve dans le côté noir de la comète et on ne peut plus prendre d'image, on ne voit plus rien. Et pour nous, on aurait été perdu. Côté noir, c'est le côté à l'ombre. À l'ombre de la comète. Et donc c'est pour ça qu'on voit une inversion de la trajectoire pour rester sur le côté illuminé de la comète. Et c'est pour ça aussi sur l'image de gauche, on arrive toujours du côté soleil pour avoir la comète illuminée en permanence. D'accord. On a besoin d'ergols, pourquoi? Parce que j'ai l'impression à droite qu'on arrive à faire des belles orbites bien ellipsoïdales. Voilà, donc à droite, sur l'orbite 30 km, dès qu'on change de direction, il y a aussi c'est une manœuvre pour faire ça. Hein. Dès qu'il y a un changement de direction, voilà. Dès que si on ne reste plus sur une orbite hyperbolique continue, il y a une manœuvre. Une manœuvre, donc c'est un moteur on utilise des ergols. Sur Rosetta, c'est 12 tuyères, donc 4 axiales. Une tuyère, c'est une petite cloche. C'est une toute petite cloche qui est grande comme ça. Qui a une ça fait 10-15 cm. Quoi. Voilà, 10-15 cm, ça a une poussée de 10 newtons, c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est efficace. L'ergol, ça sert aussi pour stabiliser la sonde, pour faire des pointages. On a des roues à réaction, donc ce sont des roues un peu comme des gyros qui tournent très vite. Et, des gyroscopes, ouais. Des gyroscopes, et régulièrement, il faut les désaturer, et ça aussi, on utilise l'ergol. Mais sinon, on est sans ergol. L'ergol, c'est très mauvais pour les instruments, parce que ça crée un nuage de poussière autour de la sonde, et des instruments comme Rosina détestent, parce qu'ils sont éteints, ou sont inactifs quand on a des manœuvres. Parce que ça pollue les détecteurs. Ouais. Rosina a même sniffé les cols qui sont utilisés dans les moteurs des panneaux solaires. Donc, y a toute Rosina une... a sniffé oui, voilà, les cols ouais. des panneaux solaires. Ouais, les cols dans les moteurs des voilà. panneaux solaires. Ouais. Donc il y a tout un nuage de poussière qui nous entoure. Mais vous êtes sûr que ce n'était pas de la colle qui était sur la comète? Non, parce que c'était mesuré bien avant. Okay. Et donc les scientifiques sont obligés de soustraire, si vous voulez, ce bruit de fond pour leurs analyses. Et sinon, pour cracher, c'est pas très joli, donc on préfère un impact contrôlé. Voilà. Mais c'est quoi la réalité? Il n'y a pas grande différence. Physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 3 km, c'est une personne qui marche. Donc, c'est la vitesse à laquelle Rosetta arrive sur la comète. Voilà, et puis, ouais. Donc, C'est cassé, quoi. Enfin, les panneaux solaires se sont cassés, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas, parce que la sonde a été passivée à l'impact, donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé après. Voilà, il se peut qu'elle soit restée intacte. L'endroit où elle s'est posée, on peut le voir sur l'une des images, c'était extrêmement plat. Après, on a des panneaux solaires de 64 mètres carrés, hein, 32 mètres de bord à bord. Wow, donc il se peut qu'ils aient touché un peu le sol. Voilà, peut-être qu'elle a rebondi à la filae. Voilà. Il faudra attendre un certain nombre d'années pour que nos petits-enfants retournent sur CG pour voir ce qui s'y est passé. Si Turin ne s'est pas cassé dans l'intervalle. Bonsoir. Pourquoi ne pas avoir envoyé Rosetta à l'infini? Enfin, c'est-à-dire vers l'extérieur du système solaire, comme ont pu le faire les premiers Voyager, par exemple. Parce que là, en l'occurrence, on n'aurait pas eu assez d'ergols. Juste pour donner une idée. Quand on est arrivé à la comète, on a fait donc en sortie d'hibernation en janvier 14, on était à peu près la différence de vitesse entre les deux corps, donc entre Rosetta et la comète, c'était 800 mètres secondes. Donc on a brûlé énormément de carburant pour pouvoir réduire cette vitesse, sinon ça aurait été juste un survol, on serait jamais resté avec la comète. À la fin, quand on fait des petites manœuvres, on fait des manœuvres de millimètres par seconde. Donc pour faire ces petites manœuvres-là, ou du centimètre seconde, il faut quelques grammes d'ergol. Par contre, pour faire des gros déplacements comme ça, là, c'est des mètres secondes, et ça, c'est des centaines de kilos qu'on n'avait plus. Mais on aurait eu assez de carburant pour continuer autour de la comète à faire des petits changements de trajectoire comme ça. Ça dépend vraiment de l'ampleur du changement qu'on veut faire. Bonsoir. J'ai une question sur la science. J'ai cru lire un moment que l'eau présente sur la comète n'était pas de l'eau qu'on avait sur Terre. Donc, savoir qu'est-ce qu'on avait conclu d'un point de vue science, et notamment quels étaient les résultats de ce fameux sniffer qui arrive à sniffer toutes les molécules qu'il y a sur la comète. Oui, alors effectivement, il y a une image... Paul, tu peux la retrouver. On a un zoo cométaire assez extraordinaire. Je veux dire que cet instrument qu'on appelle Rosina, constitué lui-même de plusieurs instruments, mais enfin, on ne va pas rentrer en détail. C'est page 4. En gros, c'est un spectromètre de masse. C'est-à-dire que toutes ces molécules qui arrivent naturellement dans un petit orifice de l'instrument pénètrent dedans, et Rosina les pèse. Voilà, un spectromètre de masse, ça pèse les molécules. Et en pesant les molécules, on détermine leur composition. Et vous avez dans ce zoo incroyable, qu'on appelle le zoo cométaire, la liste d'une soixantaine de molécules. Je vais y revenir. Sur le problème de l'eau. Alors le problème de l'eau, c'est assez... ça demande 2-3 minutes pour expliquer. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'astrophysique, il y a longtemps, on va dire... On m'apprenait que la Terre avait subi un dégazage primordial. Et donc que la Terre avait dégazé du CO2, probablement du soufre à travers les volcans, mais aussi de l'eau. Et donc, vaille que vaille, ben voilà, c'était l'origine de l'eau de la Terre. Eh bien, ce schéma, maintenant, n'est plus la référence. Pourquoi ? Parce que on a établi que le mécanisme qui a créé la Lune... dit mécanisme de l'impact géant. Et quand on dit impact géant, c'est monstrueux. C'est un corps de la taille de Mars, c'est-à-dire la moitié du diamètre de la Terre, qui percute la Terre sous un, si, pour ceux qui jouent au billard, sous un coup presque rasant. Le coup aurait été frontal, la Terre aurait été détruite. Donc ce choc est néanmoins absolument cataclysmique. À l'époque, la Terre est un océan de magma, c'est-à-dire c'est de la lave fondue à très très haute température, et cet impact a pour effet de pulvériser une bonne partie du manteau de la Terre et du manteau de l'impacteur, et donc la Terre perd son eau. C'est ça l'aspect important. C'est que c'est tellement violent que tous les volatiles qui sont présents à l'époque dans une atmosphère, évidemment pas, il n'y a pas d'océan, c'est trop chaud, toute cette atmosphère s'en va, est éjectée dans le milieu interplanétaire, et donc il faut... que la Terre récupère plus tard, progressivement, un vernis, c'est souvent le mot qui est utilisé par les scientifiques, pour récupérer de l'eau. Et il n'y a pas 36 méthodes pour récupérer cette eau, il y a ce qu'on appelle les impacts, qui continuent à avoir lieu, parce que la formation de la Lune a eu lieu tellement tôt que dans la décroissance du bombardement de l'époque, eh ben, il y a encore beaucoup, beaucoup de bombardements. Météorites et comètes. Alors, astéroïdes, c'est-à-dire météorites, oui, pardon, oui. Et comètes. Donc on a deux grandes populations, on pourra expliquer en quoi elles sont différentes, et le débat était, est-ce que l'eau de la Terre vient plutôt des astéroïdes ou plutôt des comètes ? En fait, on avait... Alors d'abord, il faut savoir comment on fait ça ? On mesure le rapport deutérium sur l'hydrogène. Le deutérium étant les isotopes lourds de l'hydrogène dans la molécule d'eau. Et on a une valeur terrestre qui est celle des océans. Elle est unique. Tous les océans ont la même valeur D sur H. D sur H, voilà, c'est la signature. Dans les océans sur la Terre, il y a un chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais c'est toujours le même. Tout ça est bien mélangé sur Terre. Et donc, on essaye de comparer cette valeur des océans terrestres avec ce qu'on a dans les météorites. Les météorites viennent des astéroïdes. Et on a des valeurs proches de la valeur terrestre. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ben alors, la réponse est évidente, l'eau de la Terre vient des astéroïdes. Okay. Et dans les comètes, ben, ça fluctue. Qu'est-ce qui fluctue ? La valeur du dessurage. Ah, la valeur des surages, oui, c'est ça. Et on commençait, juste avant que Rosetta n'arrive, on avait observé sur une comète, par des techniques à distance, hein, que sur une comète dite de la famille de Jupiter. Alors, il faut expliquer ce que c'est. Vous avez deux grandes familles de comètes. Celle dite du nuage de Oort, qui est un nuage théorique, mais néanmoins très plausible. On n'a jamais vu un objet dans le nuage de Oort. Le nuage de Oort, il est à peu près à mi-distance entre le Soleil et les étoiles les plus proches. C'est extraordinairement loin, évidemment. C'est extraordinairement loin. C'est un globe autour du système solaire. C'est une boule, donc vraiment une sphère, et dont on pense qu'il y a des milliards de comètes. Et comme les comètes, il faut quand même le préciser, sont des petits objets, quand je dis petits, c'est typiquement, les comètes, c'est entre 1 et 10 km. Il y a une comète qui dépasse 100 km. C'est un point aberrant sur la courbe. Mais toutes les autres, c'est entre 1 et 10. Et on ne connaît que 4000 comètes. On n'en connaît pas beaucoup. Les astéroïdes, vous avez des astéroïdes qui font 400 km, 500 km, Cérès, Vesta, etc. Et donc, ces objets 400-500 km sont des objets différenciés. Ils sont tellement gros, certains sont des planètes naines. À partir du moment où vous atteignez que 500 km, il y a une différenciation qui se produit, c'est-à-dire que ça chauffe à l'intérieur et ça se ramollit. Et le lourd tombe au fond, ça fait un noyau fer-nickel, comme sur Terre, un manteau et une croûte. Dans les comètes, il n'y a rien de tout ça. Les comètes sont extrêmement riches en glace, principalement de l'eau, mais pas seulement de l'eau, donc elles n'ont jamais chauffé. Les comètes, c'est des objets qui sont restés au congélateur. Quand je dis congélateur, c'est pas à moins 28 degrés, c'est moins 200 degrés pendant 4,5 milliards d'années, toute leur vie, sauf quand on les voit. Et quand on voit une comète, c'est une comète qui est en train de mourir. La comète Churyumov-Gerasimenko, on sait que dans l'espace de 50 ans, elle va être totalement morte, c'est-à-dire éteinte. Plus aucune activité. Alors, on avait des valeurs de... Alors, les comètes de la famille de Jupiter, c'est quoi ? C'est qu'on a une autre famille au-delà de... là où il y a Pluton, hein, c'est-à-dire au-delà de Neptune. Il y a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Une ceinture, c'est à plat, hein. C'est pas une boule. C'est à plat comme les planètes sont à plat. Et dans cette ceinture, il y a certaines comètes qui viennent de là. Moi, je pense par exemple que les petites lunes du Pluton sont typiquement des comètes. Alors, celles de la famille de Jupiter, c'est celles qui ont été influencées par Jupiter. Et ces comètes-là ont tous des orbites qui font environ 6 ans. Et comme Churyumov, leur aphélie, point le plus loin du Soleil, se retrouve à l'orbite de Jupiter. Ce n'est pas un hasard, c'est que c'est Jupiter qui a modifié l'orbite. Et donc, on avait trouvé une comète, j'en viens au point important, qui avait un dessurage terrestre. On s'est dit, oula, on tient peut-être quelque chose, peut-être que toutes les comètes de la famille de Jupiter ont un dessurage terrestre. Et donc, quand Rosina a sorti son papier, boum patatras, pas du tout. Le dessurage est trois fois la valeur. Le dessurage de Churyumov-Gerasimenko, c'est trois fois celui du dessurage terrestre. C'est le plus haut jamais mesuré. D'accord, donc c'est très différent de l'eau terrestre. On est complètement très très loin. Churyumov-Gerasimenko. Alors, quelle est la conclusion de cette histoire ? La conclusion, c'est que... Il y a plusieurs conclusions. Il y a d'abord que on s'aperçoit que le dessurage dans les comètes est très variable d'une comète à l'autre. Et franchement, on ne comprend pas très bien pourquoi. On sait comment évolue le dessurage. Plus vous êtes froid, plus le corps se condense à basse température, plus le dessurage est élevé. Donc plus il est froid, c'est plus au moment de sa création, il y a 4,6 milliards d'années. Plus on est loin du Soleil. Donc ça, c'est une règle des géochimistes qui nous le disent. Néanmoins, on a des comètes qui ont des dessurages variables. Ça veut probablement dire qu'elles se sont formées plus ou moins loin. Et donc, elles ont une température plus ou moins froide. Première conclusion. Deuxième conclusion, c'est plutôt astéroïdal. L'eau terrestre. L'eau terrestre. Et troisième conclusion, en fait, c'est probablement un mélange de tout ça, parce que rien ne dit que le dégazage primordial était total. Donc finalement, on aurait un mélange d'un dessurage terrestre qui serait resté sur la Terre. Même après l'impact lunaire. Même après l'impact qui a formé la Lune. Un apport de comète, un apport d'astéroïde, mais franchement, on ne peut pas être plus précis que ça. Pour l'instant... Pas de bol, pas de bol, dis-toi bien que c'est la vie. Personne n'aura jamais assez d'ergol pour aller jusqu'à l'infini. Merci Xavier. Allez, le micro de ce côté-là. Est-ce que l'impacteur qui est à l'origine de la Lune aurait pu être fait de glace et donc apporter une partie d'eau à la Terre ? Il a un diamètre de la taille de Mars, donc c'était un objet qui était en cours de différenciation. Il avait probablement un océan de magma, c'est-à-dire que la température était à sa surface de l'ordre de 2000 degrés. Tout était liquide, donc l'eau dans tout ça était au niveau atmosphérique. Et au moment de l'impact, tous ces gaz se sont volatilisés. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui conforte cette théorie de l'impact géant ? C'est le fait qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. Et pas de fer. Alors l'eau, c'est la température qui a fait que les débris qui se sont réagglomérés, qui ont formé la Lune, étaient complètement secs. Ils ont perdu leur eau. Pas de fer parce que on pense que les impacts ont mélangé les manteaux. Alors il y a un débat sur le matériau de la Lune vient du manteau de l'impacteur ou du manteau de la Terre ou un peu des deux. Alors là, les scientifiques ne sont pas d'accord. Ça change beaucoup de choses. Mais en tous les cas, ça vient du manteau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le noyau qui est riche en fer nickel, il est plus profond. Donc le fer, il n'est pas là. Il n'est pas là où le matériau lunaire s'est formé. Donc il n'y a pas de fer sur la Lune. Et ça renforce beaucoup la thèse de l'impact géant. Même s'il y a encore des débats sur des détails. Dans les rapports isotopiques de l'oxygène, on trouve des choses qui sont un peu curieuses. Néanmoins, pour ce modèle qui était considéré comme impossible à l'époque d'Apollo... Modèle de l'impact géant. Ah oui, qu'en termes de probabilité, il est très faible. Ah oui. Et en plus, il est les autres modèles qui étaient plutôt préférés, c'était soit la Terre et la Lune se sont formés avec deux, on va dire, deux petits tourbillons à la Descartes, hein, soit la Lune est un astéroïde capturé. Bon. Et tous ces modèles ne fonctionnent pas, donc celui qui fonctionne le mieux, c'est l'impact géant. Sylvain Laudio, ce serait intéressant que vous nous expliquiez un peu comment on contrôle une sonde autour d'une comète. Alors on a parlé évidemment des petits moteurs dont vous disposez, des roues à inertie, on en parlera à nouveau peut-être tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on se repère ? Comment est-ce qu'on sait où on est quand on est Rosetta dans l'espace ? Alors la sonde elle-même... Elle a des cartes, donc il y a des capteurs d'étoiles qui lui donnent des plans d'étoiles. Et elle a un champ de... Donc ces capteurs d'étoiles ont une vision, donc voient des étoiles. Et grâce à ça, elle arrive à se repérer dans l'espace. Et sinon, la sonde elle-même, elle sait aussi où est le Soleil et où est la Terre, donc pour pouvoir pointer les panneaux solaires vers le Soleil et pouvoir communiquer avec nous. Et ces capteurs, ils ont toujours bien fonctionné ? Alors, Le capteur d'étoiles, ben, vous pouvez regarder, je crois que c'est page 10. Donc Francis, dans son intro, décrivait un corps actif avec des poussières. Alors ça, c'est un exemple de ce que les capteurs de Rosetta voyaient par temps normal. Et les étoiles sont entourées par des petits traits rouges. Alors, il y en a, vous en verrez peut-être deux ou trois. Et le reste, c'est de la poussière. Alors, les traits rouges, moi j'en vois un vers la gauche. Il y en a un au milieu à peu près. Il y en a un en bas à gauche aussi. Ça, c'est les traits rouges. Alors, autour d'un petit point blanc. Et les petits points blancs, alors c'est quoi là ? Alors, les petits points blancs, ce sont des poussières. Ceux qui sont entourés d'un petit trait rouge, ce sont des étoiles. Exactement. Et le reste ? Donc, des étoiles prévues, correctes. Et le reste, ce sont des poussières. Alors, ça, c'est ce que voit Rosetta. C'est ce que voit Rosetta. Ça, wow. C'était des, et là, on des arrive conditions. À se repérer quand même ? Là, Rosetta arrivait à se repérer. Mais vous pouvez imaginer que si vous rajoutez encore quelques dizaines de milliers de poussières, très rapidement, les problèmes arrivent. Et donc, il est arrivé que les capteurs d'étoiles confondent les poussières avec les étoiles. Et au lieu de suivre les étoiles, suivent les poussières. Et donc là, ça a créé un certain nombre de problèmes. On l'a appris de la manière assez brutale en mars 2015, où, en gros, on a passé avec mon équipe un week-end horrible. On faisait un survol de la comète à 15 km. Et on a 15 km, c'est relativement bas. Hein, 15 km de la comète, c'était relativement bas. On a commencé à avoir des problèmes vers une cinquantaine de kilomètres. Et les capteurs d'étoiles n'ont commencé à refonctionner que vers 80 km après le survol. Et on a fini en safe mode. Bon, c'était un gros, gros week-end. C'est le mode de sauvegarde. C'est le mode de sauvegarde. Et en gros, du jour au lendemain, en fait, c'est la sonde elle-même qui nous a dit « Vous ne m'opérez pas correctement ». On avait un plan de trajectoire, un plan de vol qui était prévu de 4 à 8 mois à l'avance. C'est-à-dire que vous saviez 4 à 8 mois à l'avance ce que vous alliez faire avec la sonde. Les scientifiques nous avaient dit, ben voilà, dans 4 à 8 mois, on voudrait faire ça. Et ben, clairement, ça ne marchait pas. Donc vous saviez exactement ce que vous alliez faire, vous alliez programmer la sonde, au point de vue de trajectoire. D'accord, la trajectoire, bien sûr. Et les trajectoires, elles se décident avec les scientifiques, les scientifiques. Exactement, donc les trajectoires, les pointages sont définis par les scientifiques. Bien sûr, on a des contraintes satellites qui nous imposent un certain nombre de choses, des contraintes pointage, des contraintes thermiques, et toute une série de contraintes. On a bien sûr aussi besoin de nos pointages pour faire de la navigation optique, pour prendre des images de la comète, pour pouvoir se repérer, pour pouvoir faire des manœuvres, mais le reste du temps, c'est dédié aux scientifiques. Et donc du jour au lendemain, donc en mars 2015, on a notre plan qui était prévu 4 à 8 mois à l'avance, on l'a mis à la poubelle. Et à partir de ce moment-là, on a décidé des trajectoires deux fois par semaine. Alors, je sais pas si vous rendez... c'est un changement de régime complet là. Dramatique, donc pour nous déjà en tant qu'opérateur, mais bien sûr pour toutes les autres équipes qui gravitaient avec nous, et bien sûr tous les instruments, parce qu'on a dû complètement révolutionner la façon dont on opérait la sonde. Et donc c'est pour tenir compte du fait que vos instruments peuvent être aveuglés par et plus se retrouver du tout au même endroit, exactement. À l'endroit prévu. Ouais. Donc on a alors bien sûr les scientifiques eux voulaient être le plus proche possible. Alors faut savoir qu'en mars 2015. On s'approchait encore du Soleil, le point le plus proche était en août. C'est-à-dire que la comète se rapprochait encore du Soleil, oui. Et donc ce qu'on faisait, en fait, on faisait des essais capteurs d'étoiles en permanence, jusqu'à 6 fois par jour. Et en fonction de leur comportement, si on voyait qu'il y avait un risque qu'ils recommencent à confondre les poussières avec les étoiles, ben ça nous disait, on est soit au maximum de la distance qu'on peut s'approcher, ou alors il faut reculer. Voilà. Donc, si vous regardez un autre exemple, qui est alors, vous l'avez le diagramme avec les distances en vert ou pas ? Et en gros, donc ce survol à 15 km, on n'a pas pu faire la manœuvre qui nous aurait permis de ralentir et de rester assez proche de la comète, de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Et donc très rapidement, on s'est retrouvé à 400 km de la comète. Et il nous a fallu beaucoup de temps. Pour revenir assez proche. Et après, bien sûr, ça a été un débat permanent entre les scientifiques qui, bien sûr, voulaient revenir proche de la comète en permanence, surtout quand on a retrouvé Philae, parce qu'on voulait absolument communiquer. Et moi, de mon côté, mon équipe et nous, notre priorité, c'est la sonde, bien sûr, parce que si on perd la sonde, ben, il n'y a plus de science, il n'y a plus d'instrument non plus. Et donc ça a été un débat permanent, et voilà, donc là c'est clairement ce que tu disais avant, là c'était un non de ma part. Oui, parce qu'en plus, mars 2015, c'était pile poil la bonne période pour réanimer Philae. Donc on était dans une phase extrêmement... on était tout excité et on demandait à l'ESO qu'il faut se rapprocher plus de la comète parce que Philae peut se réveiller et on voudrait finir le job. Parce que Philae n'a pas complètement achevé sa mission et on a cette possibilité avec les panneaux solaires, etc. Donc la bagarre était assez virulente parce que manifestement c'était pas possible et nous on voyait le temps passer et plus le temps passait plus la comète devenait active et plus nos espoirs de on en parlera tout à l'heure probablement nos espoirs de travailler avec Philae s'amenuisaient. Voilà. On a compris ça quand on a retrouvé Philae, oui. Quelque chose, ça. Quand on suit sa bonne étoile, si l'on finit le nez par terre, c'est qu'on a confondu avec une poussière. Ah, c'est ballot. Sylvain Lodio, donc, vous avez ce programme 4 à 8 mois à l'avance, et puis vous vous apercevez que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que vous aviez prévu, et notamment l'appareil là se met en mode de sauvegarde. Qu'est-ce que ça signifie pour vous que Rosetta se met en mode de sauvegarde? C'est problématique là quand même, non? Toutes ces sondes sont très loin de la Terre. Par exemple, le 30 septembre, on mettait 40 minutes pour communiquer avec Rosetta, donc une instruction mettait 40 minutes pour lui arriver. Et 40 minutes pour revenir, ce sont des temps énormes, on ne peut rien faire en temps réel. On avait aussi globalement une très très bonne couverture station-sol, mais on n'est pas toujours en contact. Donc ces sondes-là, elles ont besoin d'un certain nombre d'autonomie, et pouvoir gérer des pannes elles-mêmes. Donc il y a un certain nombre de pannes qu'elles peuvent gérer, d'autres où elles vont activer la redondance. Mais la redondance, c'est-à-dire la redondance, c'est un équipement qui est en double et qui a la même fonction. Et au cas où le premier est en panne, et bien la sonde peut décider elle-même de basculer sur l'équipement redondant. Mais en cas de panne multiple ou des pannes trop sévères, ben là, elle se met en ce qu'on appelle un safe mode. Donc là, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de minimiser la consommation d'énergie. Donc en gros, on éteint tous les instruments et on ne garde que les unités utiles à bord. Et après, on garantit la communication avec la Terre. Et c'est à la Terre de reprendre contrôle de la sonde et de décider quoi faire. Alors, un mot sur le safe mode, parce que ça a l'air simple comme ça, mais... dans d'autres missions, je pense notamment à Phobos 88, le safe mode n'a pas fonctionné. Dans Itomi Astro H, une sonde qui part dans un mouvement erratique, si sa batterie, comme la voiture, hein, si la batterie prend la plat, c'est mort. C'est fichu parce que vous pouvez plus communiquer. Il y a plus d'électricité à bord. Donc une batterie, c'est vital. Or, si elle se met à tourner n'importe comment, il se peut que ces panneaux solaires ne voient très très peu le soleil et la batterie va s'épuiser et à la fin, c'est mort. Donc c'est pour ça que le safe mode, c'est quelque chose qui est extrêmement... D'abord, qui doit être très robuste. Il faut que ça marche parce que c'est au moment où on a un pépin. Donc si, il faut que... un autre exemple sur Bepi Colombo. Un safe mode, ça consiste à se mettre face au soleil pour avoir le maximum d'énergie et de préférence l'antenne vers la Terre. Dans le cas de Bepi Colombo, si vous faites ça, vous cramez vos panneaux solaires. Donc, vous mettez les panneaux solaires à la soleil, mais vous allez les incliner à 80 degrés. Donc le safe mode de Bepi Colombo est un véritable cauchemar. Parce que si vous les mettez face au soleil, il n'y a plus de panneaux solaires. Donc on a une complexité supplémentaire. Bepi Colombo, c'est une sonde européenne, hein. Mais globalement, ça s'appelle safe mode parce que c'est censé être safe. Hein, voilà. Ouais. Tant qu'à faire, ouais. Alors Michel est là, ça va Michel? Ça va? Ça va. Okay. Michel est là, et il est très très très fidèle. Et il a toujours une question. Une seule? Je comprends que pour l'essentiel de la mission, on ne pouvait pas s'approcher trop près parce qu'il y avait la demande des scientifiques de s'approcher et puis les nécessités de sécurité, d'observation avec la poussière et tout. Mais pour la phase finale, au moment où elle s'est posée ou écrasée, selon le vocabulaire qu'on utilise, est-ce qu'il y aurait eu moyen de la ralentir en la laissant en rase-motte, en quelque sorte, trouver une façon d'orbiter très très près, le plus longtemps possible, plutôt que de la faire s'écraser volontairement, parce que ça aurait permis peut-être d'améliorer les images de près et de faire une sorte de cartographie en temps réel autour de la comète. Du point de vue carburant, ça ne nécessitait pas grand-chose, puisque qu'on était déjà à quelque chose de l'ordre d'un mètre seconde. Est-ce que ça a été envisagé de faire ce genre d'orbite ultra basse jusqu'au moment où ça finit par effectivement cogner? Alors en fait, c'est un peu ce qu'on a fait, mais dans la phase d'avant, donc à partir de août 2016, on a fait 15 survols, on a à nouveau changé la façon dont on opérait la sonde. On est passé sur des orbites de 3 jours, avec comme objectif... Au lieu de combien habituellement? Alors avant on avait des cycles de... on s'est mis en orbite autour de la comète, donc c'était un peu différent, sur des orbites de 3 jours. Et donc l'objectif, ça a été de réduire le péricentre, donc le point le plus proche de la comète, de survol en survol. Et notre objectif, c'était de survoler, si on pouvait, à 1 km de la surface de la comète. Alors ça, c'est une phase pour mes collègues de Flight Dynamics à l'ESOC qui était beaucoup plus difficile. Flight Dynamics, Flight Dynamics, c'est comment les gens qui font du contrôle de mécanique spatiale. Mécanique spatiale. Donc c'était une phase beaucoup plus difficile que le largage de filet, pour vous vous donner une idée. Parce qu'en fait, plus on survole, plus on s'approche, plus notre connaissance du potentiel de gravité est faible. Et il a une énorme influence sur la trajectoire de Rosetta. Pour vous donner un exemple, donc on avait des orbites de 3 jours. Et à chaque survol, l'orbite était modifiée d'heures, voire de dizaines d'heures. Alors bien sûr, on corrige avec des manœuvres, mais sur des prédictions. Et ce qu'on voit en réalité, c'est fort différent. Si vous avez une erreur de 10% sur une prédiction d'une modification de 20 heures, vous avez 2 heures de différence. Donc 2 heures, ça a des conséquences énormes sur ne serait-ce que le pointage de la comète. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors on n'a pas réussi à atteindre le kilomètre parce que ça devenait beaucoup, beaucoup trop difficile. Donc on a atteint 1,9 km de la surface. 1,9 km. Ouais. Okay. Et après, pour nous, c'est cette phase-là où on a pris des risques. On aurait pu perdre la sonde à ce moment-là parce que si, par exemple, une des manœuvres ne s'effectuait pas correctement, on aurait pu, au passage suivant, se croûter sur la comète. Et donc pour nous, la phase suivante, donc la phase d'atterrissage, c'était vraiment une phase d'atterrissage. La sonde n'a pas été conçue et construite pour atterrir. Et ce que vous décriviez, ça aurait été impossible. La connaissance du potentiel de gravité si proche de la comète est inconnue, en fait, parce qu'on n'a jamais été aussi proche. Elle n'aurait jamais pu opérer comme ça. Et ce qu'on voulait aussi, ce qui était très important pour moi, c'est avoir une fin claire, nette et précise. On ne peut pas avoir. Imaginez que vous n'avez plus de station sol. Et donc plus de station sol, c'est-à-dire que. Parce que bien sûr, on voulait voir la fin de vie de Rosetta. Imaginez que vous ne savez pas précisément à quelle heure vous allez impacter. Et que par exemple, vous avez un trou de station au sol. Et que à la station suivante, vous n'avez plus de signal. Bah, vous ne pourrez jamais conclure si Rosetta a fini sa vie ou s'il y a un problème. Donc voilà, il fallait absolument garantir un impact précis en temps. Bonsoir. En fait, à l'inverse, je me demandais justement s'il existait une position géostationnaire autour de la comète et si on aurait pu, par exemple, la placer au-dessus de Philae pour essayer de communiquer avec lui, par exemple. Alors, c'est marrant parce que j'ai reçu un email d'un étudiant danois, je crois, qui me posait la question. Et j'ai pas vérifié ses calculs, mais je crois que sa position géostationnaire, c'était à 500 mètres au-dessus de la surface de la comète. Et donc, voilà, je pense que ça répond à la question. C'était impossible pour nous de se mettre là. Et puis ça aurait été aussi en conflit avec les autres instruments. Donc Rosetta, c'est 13 instruments scientifiques, donc clairement, si ça a été possible, ça aurait été idéal pour Philae, mais c'est en contradiction avec les autres instruments qui, eux, veulent voir de la variété, observer la comète sous tous ses angles, etc. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez choisi le point de rendez-vous avec la comète et comment vous pouviez être sûr que rien ne vienne perturber la trajectoire de la sonde pendant les 10 ans du voyage. Alors le choix d'impact, ça a été une décision scientifique. Donc il y avait ce sont les crevasses de Mahat que Francis décrivait avant, donc des énormes crevasses de 100 mètres de large, de centaines de mètres de large et assez profondes, et qui à l'intérieur un peu ce qu'on appelle une chair de poule, et qui intriguait les scientifiques. Donc ils ont voulu s'approcher pour les observer de plus près. Donc ça, c'était purement une décision scientifique. On aurait pu se poser n'importe où. Allez-y, Francis Rocard. La chair de poule, alors, ça vous inspire? Alors c'est quoi la chair de poule? Oui, cette histoire de chair de poule, c'est effectivement le critère numéro un du choix du site d'atterrissage. C'est de se poser juste à côté d'un trou qui sur la région de Mahat, puisque les régions ont eu des noms en rapport avec l'Égypte. Et sur le flanc de ce trou, on a observé ce qu'on appelle en anglais goosegump, donc la chair de poule. Et c'est quelque chose de très intriguant. On pense que l'on voit une granulosité de taille typique autour de 3 mètres. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des sphères dont on voit qui sont empilées, et puis à un moment vous avez coupé. Et vous voyez les bords des sphères. Une sphère de 3 mètres, c'est ça? Les sphères font chacune 3 mètres. C'est ça. Voilà, chaque sphère fait à peu près 3 mètres. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de formation des petits corps et donc des comètes butent sur une difficulté à peu près à une taille critique de l'ordre du mètre, ce qui est assez cohérent. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que un petit grain va percuter une balle de tennis, c'est le petit grain qui va grossir la taille de la balle de tennis. Et c'est comme ça que la balle de tennis grossit. Et on fait grossir la balle de tennis jusqu'à typiquement 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Au-delà, ça sature. Les modèles montrent ce que ça sature. Et donc, les modélisateurs disent probablement ce qui doit se passer, c'est que c'est ces blocs de 3 mètres qui s'empilent les uns sur les autres. Et ce qu'on voit dans c'est le trou... C'est bloc d'un mètre. 1 à 3 mètres. Enfin, le modèle, il n'est pas un facteur 3 près. Hein. Mais typiquement de la taille de 1 mètre ou 2, ces blocs s'empilent les uns sur les autres. Et en fait, sur le flanc de ce trou, on verrait peut-être des cométésimaux, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement primordial qui confirmerait un petit peu les modèles que je viens de vous décrire, d'où le choix du site, et d'où le fait que pendant la descente, la caméra Osiris, qui est la caméra performante, la plus performante, puisqu'il y a aussi les caméras de navigation, ont photographié. Alors moi, je fais une remarque, mais tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que quand on fait l'historique des images de la descente, il y a quand même un gros trou. Donc, je pense que monsieur le responsable de la caméra Osiris s'est gardé ses images. Il n'a pas montré toutes les images. Un gros trou, c'est-à-dire qu'il a gardé certaines images. Il y a 3 heures de trou. Il y a environ 3 heures de trou entre la dernière image à 20 mètres et les précédentes. Il se passe 3 heures. Et on prend une image tous les combien ? Il prenait une image toutes les minutes, je crois. 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Ah, il en a beaucoup d'images. Et il y a un énorme trou. Ah, il y a un coquin là dans l'histoire, non ? Non, c'est pas un coquin, c'est un scientifique. D'accord. Et un scientifique, c'est la même chose. C'est quelqu'un d'accord. qui veut publier un article. Et en fait, toutes les images qui probablement, enfin, c'est mon interprétation, photographient la Goose Gump, il les a pas montrées. Il veut se les garder, il veut publier l'article dans Science, et ensuite il lâchera tout. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre ? Ah oui, c'est de bonne guerre. Ouais. Ben oui, parce que c'est normal ou pas ? Oui, c'est normal. Excusez-moi, mais je suis un contribuable européen. J'ai donc payé pour cette sonde et j'ai payé pour voir les images. Et il y a quelqu'un tout seul dans son coin qui décide de les garder. Non, c'est pas quelqu'un tout seul dans son coin. Le monsieur Holger Sir, qui est le responsable scientifique de la caméra Osiris. Cette caméra Osiris a été financée par l'agence spatiale allemande. La règle sur les propriétés des données, c'est qu'il y a une période de propriété exclusive de l'équipe. C'est-à-dire M. Holger Sir et tous les scientifiques de l'équipe, qui sont au nombre de peut-être 20, dont quelques Français. Pour 6 mois. Philippe Lamy, c'est 6 mois. C'est 6 mois, d'accord. Et au-delà de ces 6 mois, il a eu le temps de publier ce qu'il fallait, et il doit à ce moment-là mettre les images à disposition, et tout le monde y a accès. D'accord. Le problème, et tu vas en parler aussi, c'est qu'il y a eu effectivement un peu de tension, parce que Holger Sir a un peu, au début, il ne montrait rien. Par chance, l'ESA avait une caméra de navigation, donc avec les images de la caméra de navigation, l'ESA a pu montrer des images. Sinon, la colère grondait. Oula. Voilà, et donc ça a suscité, c'est remonté jusqu'au Science Program Committee de l'ESA, et donc on ne veut plus se retrouver dans une situation similaire, donc il faut définir des règles du jeu, et je pense que la règle du jeu, c'est qu'il doit libérer quelques images, et il ne peut pas tout garder en disant « c'est ma science, c'est pour moi ». Bon, voilà. Sylvain Laudio veut dire quelque chose. Ouais, juste pour dire que Holger a aussi ses raisons et que je comprends aussi. Et je pense qu'il a quand même fait un énorme effort ces derniers mois en publiant pratiquement plusieurs fois par semaine ce qu'il appelait l'image du jour. Et les autres images arriveront aussi. Donc il n'y a pas de. Non, c'est au début. C'était assez tendu. Ouais. Je crois qu'il y avait aussi une autre question par rapport au voyage de 10 ans. Le voyage de 10 ans. Rappelez-nous votre question. Alors excusez-moi, mais ma première question portait plus sur l'endroit où Rosetta a rejoint la comète. Pas sur le lieu du crash, mais sur le point de l'espace où ils se sont rejoints. Comment ça a été choisi ? D'accord. Alors le problème que l'on avait, c'est qu'en sortie de l'hibernation, on était à environ 10 millions de kilomètres de la comète et 800 mètres par seconde. Donc, déjà, il fallait réduire ces deux nombres pour s'approcher, quoi, pour rester en orbite autour de la comète. Et donc on a déclaré, toujours en naviguant du côté illuminé pour pouvoir faire de la navigation optique, on n'a pas été de façon directe parce que si on y va de façon directe, on n'a pas de différentes vues du Soleil. Et donc ça ne résout pas toutes les incertitudes que l'on a sur la position de la comète. Parce que la comète, on l'avait observée que depuis le Sol, et on avait une incertitude d'une dizaine de milliers de kilomètres sur sa position exacte, alors qu'on voulait s'approcher à quelques kilomètres. Donc ça, c'était bien sûr pas acceptable. Donc cette trajectoire nous a emmené en gros à 100 km de la comète, et c'est là, le 6 août 2014, qu'on a déclaré on est arrivé à la comète. Par contre, on avait un énorme challenge devant nous, parce que en novembre, on voulait déposer PhilAe, donc pour ça, il fallait trouver un site d'atterrissage. On était à 100 km de la comète, et on ne connaissait rien du tout d'elle. On n'avait aucune imagerie, on venait juste de découvrir ce corps étrange. C'était un point. C'était juste quelques pixels sur une image, donc on n'avait vraiment aucune idée. On ne connaissait pas son potentiel de gravité, on n'avait pas de forme, de modèle, on ne connaissait rien de son dégazage. Et donc c'est pour ça que, si on revient, je crois que c'est la page 6, où on voit c'est ce qu'on appelle les pyramides. En fait, donc on s'est mis à 100 km et on a fait ces arcs pyramidaux à 100 km pour justement la découvrir un peu. Et à 100 km, on a commencé à sentir un peu la gravité. C'est page 7. C'est page 7, voilà. Donc ça, c'est l'image de gauche. Et donc chaque arc, c'est 3 ou 4 jours. Et à 100 km, ça se passait bien. Donc on s'est dit, donc ça, c'est un plan de trajectoire qu'on avait déjà prévu en 2013, donc on avait un plan. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a pu exécuter notre plan jusqu'à la fin. Alors qu'on se disait, on a un plan, on a fait l'exercice, et bien sûr, on va avoir des surprises, on va devoir le modifier. On a recommencé avec des orbites à 50 km, donc ça c'est des orbites qu'on voit là, la deuxième pyramide à 50 km, qui nous a permis de mieux comprendre la comète, son dégazage, comment elle a impacté la sonde, parce qu'en fait, ce dégazage, on a 64 mètres carrés de panneaux solaires, et c'est comme si on était, si ces panneaux solaires sont perpendiculaires au dégazage, c'est comme si on était en mer avec une énorme voile et on est impacté par le vent. Alors c'est assez facile de reconstruire où on a été, mais de prédire c'est beaucoup plus difficile. On a le même problème avec Rosetta. Et après, à 50 km, ça marchait très bien, et on s'est dit, donc on va se mettre en orbite autour de la comète à 30 km. Et ça marchait encore bien, donc on est descendu à 20 et puis après à 10. Et après, on a dû ressortir pour pouvoir larguer PhilAe. Et donc tout ça, donc ces orbites-là nous ont permis de nous approcher de la comète, comprendre comment elle fonctionnait, savoir que nos processus de navigation fonctionnaient, et bien sûr de trouver un site d'atterrissage. Est-ce que ça répond à la question maintenant ? Alors oui, Francis Rocard voudrait compléter. Je ne sais pas si ça répond à la question, en tous les cas, il y a une autre façon de répondre à la question, c'est pourquoi on a fait ce rendez-vous à environ 3,5 unités astronomiques ? En fait, l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc on n'est pas tout à fait à Jupiter, mais on n'est pas très loin. La raison, c'est que l'objectif de la mission Rosetta, c'est l'étude de l'émergence de l'activité d'une comète. Donc il fallait avoir un rendez-vous avec cette comète loin du Soleil, au moment où elle a peu d'activité. Et on voulait la suivre jusqu'au périhélie et jusqu'à la décroissance de l'activité, ce qui a été fait pendant 2 ans. Et d'où cette trajectoire où on a un rendez-vous à 3 unités astronomiques, parce que vers 3 unités, c'est pour ça que PhilAe a été largué en novembre 2014, et pas plus tard, on pensait, à tort ou à raison, qu'il allait y avoir un sursaut d'activité aux alentours de 3 unités astronomiques. Donc il fallait larguer PhilAe avant que la comète ne commence à beaucoup dégazer. Exactement. Parce que ça nous pose. On avait peur un peu d'être chassé par les jets. À tort ou à raison, encore. Je ne sais pas si les modèles étaient très valides. Est-ce que si on voulait surtout pas, en descendant avec PhilAe, passer dans un jet qui nous aurait peut-être repoussé dans l'espace interplanétaire ? En tous les cas, on en parlait. Et donc, il fallait être largué relativement tôt. Voilà. Donc, ça explique ce rendez-vous autour de 3,5 unités astronomiques. Et le temps de choisir le site, on a fait ça en 3 mois, on était à peu près à 3 UA. Parce que l'une des grandes premières qui a été réalisée avec Rosetta, c'est qu'on a pu suivre effectivement une comète alors qu'elle n'est pas en train de dégazer, qu'elle se rapproche du Soleil, qu'elle dégaze énormément. Et on a pu suivre toute cette vie-là jusqu'à la fin du dégazage. Donc on a vu... Et une comète ne dégaze pas de façon symétrique dans sa phase d'approche au Soleil de la phase de l'éloignement. Il y a un décalage, première chose. Et deuxièmement, vous avez des sursauts erratiques d'une comète. Certains ont été bien observés, hein, beaucoup ont été observés par Rosetta, et un a été observé depuis la Terre. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un outburst, ce qu'on appelle une éruption, ouais. Qui a été bien comprise, cette éruption. En fait, on corrèle maintenant ces éruptions à des effondrements de falaises. Ah oui. Il y a des c'est une pelure d'oignon, un peu la comète. Vous avez des strates, des falaises, des strates, des falaises, des strates, des falaises. Et les falaises, c'est un angle. Et l'angle fait que le soleil attaque par le haut et par le côté. Donc, c'est beaucoup plus attaqué par les ondes et la chaleur. Donc, les falaises s'effritent et s'effondrent. Et au moment où vous avez un gros effondrement de falaises, ça met à nu énormément de glace et ça crée une éruption dont on a du mal à dire combien de temps elle dure, mais c'est peut-être quelques minutes, voilà, il y a toute une zoologie des éruptions solaires, de comètes, et qui sont diverses. Vous avez des éruptions extrêmement, des jets, mais droits et très intenses, et vous avez des éruptions qui arrosent toute une partie de l'espace. J'ai lu des falaises de 200 mètres de haut, hein. C'est à peu près de... Il y en a même qui fait 900 mètres. Osiris, tu as pris des photos de la chair de poule de Tchouri. Roger Cirque aura sa photo dans Science grâce à toi, mon Osiris. Il doit remercier quand même les impôts payés par Paul de Brême. Sans commentaire. D'autres questions ? Sinon, moi, je voudrais que vous nous racontiez, Sylvain Laudio, quelques pannes là, assez importantes. L'histoire des roues à inertie, l'hélium, c'est des choses qui ont pu vous faire craindre la perte de la mission à certains moments ? Ouais, donc là, ça n'a pas été de tout repos, en fait, ce vol de 10 ans. D'abord, on a découvert une fuite dans une des canalisations qui servait à pressuriser avec l'hélium. Donc ça, c'est cette fuite, on a réussi à l'isoler, mais c'est une comme conséquence qu'on n'a pas pu repressuriser les deux réservoirs de carburant avec de l'hélium. Parce que le carburant, l'ergol, là, il faut le pousser dans les canalisations, donc il faut qu'il soit sous pression. Exactement. La pression se fait avec de l'hélium. Exactement. Et on a fait une grosse série de manœuvres pour rencontrer la comète en 2011. Et à ce moment-là, les réservoirs de carburant étaient à moitié vides. Là, il a été le temps de repressuriser pour que les tuyères puissent être fournies à la pression souhaitée. Alors on n'a pas pu faire ceci, donc ça aurait pu être fin de mission en gros, mais bon, on a trouvé pas mal d'astuces pour continuer à opérer, et les tuyères à la fin ont opéré dès 2014 dans des régimes non qualifiés au sol, jusqu'à 6 bars, et bon, ça a marché parfaitement. Donc, les réservoirs ont fonctionné avec 6 bars seulement, alors qu'ils étaient prévus pour fonctionner à 10. À 10 bars. Et ça, 6 bars, ce n'était pas du tout prévu. C'était non. Alors, on a fait des. C'était pas qualifié pour cette pression-là. Ouais, on a fait des essais avec notre partenaire industriel sur 2 tuyères. Au sol, hein, évidemment. Au sol, bien sûr. Alors, bon, statistiquement, ça ne donnait pas grand-chose, mais on avait plus ou moins des zones, des régimes qu'on pouvait utiliser. Et puis, ben, on a essayé en vol et ça a marché. Et alors, l'autre problème, c'est les roues à inertie. Ouais, donc, sur Rosetta, il y a 4 roues à inertie pour stabiliser la sonde. Et en 2008, juste après le survol de l'astéroïde Steins, une des roues a commencé à montrer des signes de fatigue avec des niveaux de friction trop élevés. On a contacté le fabricant de la roue et nous a dit ben cela dans 6 mois elle est morte. Et vous dites ça avec un calme. Et quelques mois après, comment vous réagissez quand vous entendez quelque chose comme ça? Ben c'est pareil, on se dit ben c'est bon, avec 3 roues on peut opérer la sonde, mais quelques mois après une deuxième sur 4 montre des signes de fatigue aussi. Et là on se dit ben ça pourrait être à nouveau fin de mission. Voilà. Donc on a, alors c'est sur ces roues, il y a un petit réservoir d'huile, donc on a essayé d'activer. Depuis pour lubrifier, c'est ça ? Pour lubrifier les roues. Donc on a essayé de les lubrifier deux fois chacune, ça n'a pas vraiment marché. Se grippaient ces roues ? Non, c'était juste des signes de friction anormalement élevés pour ces vitesses de roue là. Et donc elle fonctionnait quand même. Et alors, donc on a réussi à tenir jusqu'à l'hibernation, jusqu'en 2011. Et alors pendant l'hibernation, on a fabriqué un nouveau logiciel avec Airbus au cas où on perde deux roues. Et donc c'était un mode où on aurait opéré sur deux roues et des tuyères, parce qu'on a besoin de trois roues minimum pour pouvoir stabiliser la sonde. Donc ça, c'est ce qu'on a. On a développé ce logiciel avec Airbus. Et on a aussi donc le mode d'emploi des roues nous disait interdit d'opérer à très basse vitesse. Et on s'est dit, notre seule façon, c'est on doit opérer ces roues à cette vitesse-là. Donc on a récupéré une roue qui aurait pu voler sur Rosetta, donc au sol. Donc on l'a récupérée au sol. Et on a fait des essais avec cette roue pendant un an, en la faisant tourner à très basse vitesse, aller-retour en permanence pendant un an. Et après un an, on l'a renvoyée au fabricant de la roue, qui l'a ouverte et qui s'est rendu compte qu'elle allait très bien. Et donc dès que Rosetta est sortie d'hibernation, on a modifié tous les seuils avec des petites modifications logicielles pour opérer les roues à basse vitesse. Voilà. Donc ça, c'est des... Juste pour compléter, le mode ouais. deux roues plus tuyère, on aurait pu fonctionner, hein, c'est ce que tu viens de dire. Par contre, le largage de filet était sacrément problématique. On avait plus la perfo pour larguer avec certitude filet dans la fenêtre étroite de temps et de direction. Ce logiciel nous aurait simplement permis de ne pas déclarer fin de la mission Rosetta sans résultat scientifique. Mais bien sûr, même pour les autres instruments, on aurait eu de l'ergol en permanence, donc ça aurait pollué tous les instruments, et puis on n'aurait jamais pu se mettre en orbite autour de la comète, on serait resté à 100 km ou une cinquantaine de kilomètres. Ça aurait été une mission dégradée, mais au moins on aurait eu une mission. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des astronautes, mais ce sont des personnes qui impressionnent par leur calme, leur sang-froid, ils ont toujours la bonne réponse, ils sont toujours alertes, ils sont étonnants et vous me faites un peu cet effet-là. C'était la réputation de Neil Armstrong. Oui. Armstrong était un type qui a failli se tuer un matin en faisant un test sur le LEM au sol. L'après-midi, il était au bureau, hein, donc il était très calme, hein, il était zen. Okay. C'est dire pour ça qu'il était commandant de bord pour le 11. Et Sylvain Loudio me fait un peu le même effet. Vous savez, il vous parle de choses absolument affreuses, mais avec un calme olympien. Francis Rocard, vous êtes comme ça. Quand vous apprenez qu'on a des roues à inertie qui risquent de plus fonctionner, on devient dingue ou on se dit allez, je vais prendre modèle sur Neil Armstrong? Ben, on s'inquiète, mais surtout... Parce que c'est un milliard, enfin, au-delà de... Pardon, je parle beaucoup d'argent ce soir, mais c'est quand même un milliard d'euros, là, qui est en jeu. Un peu plus, même, oui. Un peu plus, oui. 1,3 milliard. Mais non, le problème, c'est de pas perdre la mission. Comme l'a dit Sylvain, on avait un mode dégradé avec deux roues. C'est mieux que rien, hein. Hubble a vécu comme ça, qui était mode dégradé. C'est quelque chose qui existe et qu'il fallait effectivement développer pour s'assurer qu'on puisse fonctionner. Moi, j'appelle ça fonctionnement sur trois pattes. Et c'est la force des missions de l'ESA américaines, c'est la faiblesse des missions russes. Ouais. Qui, sur trois pattes, elles ne fonctionnent pas. Ouais. Donc elles sont perdues. Bah, il faut avoir cette redondance, cette façon de procéder dans ce qu'on appelle les modes non nominaux, qui demande beaucoup d'études, justement, pour étudier. Vous savez, quand Voyager, après 25 ans de croisière, décide de changer un senseur stellaire, décide de changer son senseur stellaire. Son senseur stellaire. Après 25 ans de croisière, évidemment, le JPL était dans une situation où on dit, on risque de tout perdre. Et donc, il fallait s'assurer que ce basculement allait se faire sans perdre la sonde. Le JPL, ça s'est fait. Le centre de la NASA qui est spécialisé, justement, dans l'exploration planétaire. Je vous passe encore le micro. Je viens jusqu'à vous. Oui, je vous en prie, madame. Alors, oui, madame se pose des questions sur la page numéro 6. Là. On a des très jolies courbes. Et il y a quelqu'un à côté qui dit « je suis d'accord ». Voilà. Donc, ça commence à être unanime, là, avec deux personnes. Alors ça, c'est pour moi, c'est... Rien qu'avec cette image, on a un aperçu complet de la mission Rosetta. Donc, en axe principal, donc la date, et à gauche, la distance au Soleil. Et alors après, et à la Terre, oui. Et donc la courbe jaune, c'est à la distance au Soleil. Et donc vous voyez... C'est la distance de Rosetta, par ouais. rapport au Soleil. Et donc vous voyez qu'en août 2015, on a été au plus près du Soleil. Et que maintenant, donc c'est maintenant c'est, aujourd'hui, c'est la ligne violette complètement à droite. On est à nouveau très très loin du Soleil. Vous avez la barre orange qui vous dit qu'à partir de ce moment-là, vous commencez à avoir des problèmes pour garder les instruments actifs. J'ai rien compris, excusez-moi, je suis perdu là. Moi, j'ai rien compris. Alors, non, mais je ne dis pas que c'est pas ça, je dis que moi, j'ai rien compris. Je vais revenir à ça après. Voilà, et donc la ligne rouge, c'est la ligne rouge. Moi, déjà, j'en vois 12 des lignes rouges là. Alors, la ligne rouge horizontale. La ligne rouge horizontale. Voilà, pardon. Au niveau du 4, distance en année. Le 4 unité astronomique. Voilà, 4 unités astronomiques, c'est la ligne 600, rouge. 600 millions de kilomètres. Et alors, ça, c'est quoi cette ligne rouge? Ça, c'est le moment où il faut réhiberner la sonde. Parce qu'on est, au-dessus de 4 unités astronomiques. D'accord. La ligne bleue, c'est la distance à la Terre. Donc on voit qu'on a, en 2005, en 2007 et en 2009, on a fait un survol de la Terre. Après, les donc autres... c'est la ligne bleue. Hein, voilà. Oui, donc la première ligne bleue, donc, voilà. c'est... Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, excusez-moi, hein, tout ça, c'est des histoires de distance. Et par exemple, si je regarde le 2 mars 2005... on voit que la distance à la Terre est extrêmement faible. Et oui, parce qu'on vient de faire un survol en fait, de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il y a marqué. C'est là où on voit ESB 1, qui veut dire Earth Swing By One. Donc le premier survol de la Terre. Ah oui, donc là, voilà. C'est la ligne bleue verticale. Voilà. Après, voilà, la ligne suivante, la ligne rose, c'est le Mars Swing By. C'est MSB, donc, on a fait notre deuxième survol ligne, mais de Mars. On a survolé Mars à 200 km de la surface de Mars. ESB2, c'est le survol de la Terre numéro 2. Après, Rosetta a croisé deux fois la ceinture d'astéroïdes, et donc on a fait le survol de Steins, qui est un des astéroïdes, et Lutetia. Lutetia, c'était à ce moment-là l'astéroïde le plus gros jamais visité au monde. Alors on a été battu maintenant par les Américains, et c'était la première fois en Europe qu'on faisait des survols d'astéroïdes. On passe à quelle distance, là? Alors, Steins, on est passé à 1500 km de tête et 8 km secondes, et Lutetia à 3000 et 15 km secondes. Ça, c'est, Lutetia, c'est un astéroïde qui fait 100 km de loin. ESB3, donc c'est le survol de la Terre numéro 3. Et après, le RDV-M1, c'est ce qu'on appelle les Rendezvous Maneuvers 1. Donc on en a fait une autre série en sortie d'hibernation. Ça, c'est des grosses manœuvres pour pouvoir se mettre sur la trajectoire de la comète. Donc manœuvre, après, c'est j'allume mes moteurs. Voilà. Et après, vous voyez, entre les deux barres noires verticales, l'hibernation, donc la phase où on a mis Rosetta en hibernation, ça, ça a été aussi une phase critique qui n'avait jamais été faite au monde non plus. On a éteint la sonde pendant 2 ans et demi sans contact. Donc on a dit au revoir à la sonde pendant 2 ans et demi. Et en janvier 2014, on attendait un signal de réveil de Rosetta. Et ça se voit très bien parce que vous voyez très bien que la ligne jaune est au-dessus de cette barre horizontale rouge. Parce qu'on est trop loin du Soleil et on est aussi très très loin de la Terre. Voilà, donc les grosses étapes de Rosetta. Et alors moi j'ai vécu avec ce diagramme pendant des années, et il y avait toujours quelque chose qui venait en avant. Donc il y avait toujours une flèche qui disait on est là, et puis on était encore très très longtemps à gauche, puis progressivement on est arrivé à droite, et puis rapidement je n'ai même plus pu mettre la flèche sur ce diagramme parce que la mission a pris fin. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Francis Recard. Je voudrais préciser une chose, c'est que les survols Terre et Mars sont généralement des survols de ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on prend un petit peu de vitesse à la Terre et la sonde gagne un peu de vitesse et donc à la fin de sa trajectoire, la sonde va un peu plus loin du Soleil. Si vous regardez les trajectoires de Rosetta, après chaque survol, on s'éloigne. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que le survol de Mars n'était pas fait pour ça. Le survol de Mars, il n'y a pas eu de gain de vitesse, comme quoi on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, y a un peu de la... Et le survol de Mars était uniquement fait pour dévier la sonde et la renvoyer vers la Terre. Donc, souvent on résume survol égale assistance gravitationnelle, ce n'est pas toujours le cas. On peut accélérer, on peut freiner, on peut simplement dévier, c'est des histoires vectorielles, donc c'est des mathématiques, c'est de la géométrie dans l'espace. Mais les schémas sont assez différents. Et juste pour compléter, ces assistances gravitationnelles, donc les vraies, permettent de changer la direction et la vitesse de la sonde autour du Soleil. Et au cumul, on a modifié la vitesse de Rosetta par environ 30 km/s, alors qu'à bord, en carburant, on n'avait que l'équivalent de 2,2 km/s. Donc on n'aurait jamais pu atteindre l'orbite de la comète si on n'avait pas utilisé cette technique d'assistance gravitationnelle. Il y a aussi une autre image intéressante, c'est celle de la page 2, quand on a retrouvé Philae, c'était l'annonce il y a un mois, hein, le 5 septembre. Voilà, on est content. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une photo assez extraordinaire quand même, cette page 2. On est très très content. Ce qui est dommage, c'est que il y avait une autre image, mais qui est pas ici, qui était une image qu'on avait fait en 2015 et qui montrait cette espèce de virgule vers le haut. C'est ça, la virgule vers voilà. Le haut. C'est, oui, mais c'est là, l'espèce là, de bras blanc. Là, ouais. Voilà, c'est le bras blanc. Mais je peux vous dire que vous rendez cette image floue, vous ne comprenez plus rien ce que vous voyez. Vous voyez une espèce de virgule vers le haut et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est bizarre. Et finalement, personne ne croyait que c'était Philae. Mais à la finale, maintenant qu'on a cette image à haute résolution, on comprend mieux. En fait, c'est le pied de Philae qui est éclairé par le soleil et qui fait cette espèce de virgule vers le haut. Et petite histoire dans l'histoire. En 2015, il y a un scientifique de l'équipe Osiris, c'est Philippe Lamy, qui avait affirmé qu'il avait trouvé Philae. Il nous avait montré des images, c'était un point blanc qui n'existait pas avant, qui existait après. Il dit « moi je suis sûr que c'est Philae ». Personne ne l'avait vraiment cru. Lui, il y croyait fermement. Et ben, fin mot de l'histoire, il avait raison. Il avait de la chance, mais il avait raison. Juste pour compléter sur cette image, cette image a été traitée, donc si l'image elle-même elle est noire, donc c'est Osiris qui a fait du processing. Elle a été prise à, je crois que c'est 2,7 km de la surface, donc très proche, parce que toutes les images qu'on avait avant, donc les images que Francis décrit, ont été prises à 10 km ou à 15 km. Et là, même sur la caméra Osiris de haute précision, c'est à cette distance-là, c'est juste quelques pixels, la Philae. Parce que Philae, c'est la taille d'une machine à laver, c'est un mètre, en gros un cube d'un mètre. Et c'est juste quelques pixels. Et quelques pixels, en fait, si vous cherchez, vous trouvez des dizaines de Philae sur le sol. Voilà, donc ça a été difficile de trouver. Elle est extraordinaire, cette image. Hein. Elle est belle, elle est émouvante, parce qu'on a suivi toute l'histoire de Philae. Mais est-ce qu'elle est utile à quelque chose? Qu'est-ce qu'elle vous apprend des choses? Ah, elle est extrêmement utile. Je vous rappelle que Philae, en novembre 2014, a travaillé 3 jours sans aucun problème de communication. En printemps-été 2015, on a eu, 7 ou 8 ou 9 contacts avec Philae, de très mauvaise qualité, de durée très courte. Donc on a été incapable d'envoyer des vraies télécommandes évoluées à Philae. Et donc on n'a jamais pu finir le job, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc l'intérêt de cette image, c'est d'essayer de comprendre pourquoi en 2014 ça marche, en 2015 ça ne marche pas. Et je peux vous dire que la bagarre était assez violente au sein de l'équipe Philae. Parce que chacun, vous savez, le petit jeu qui consiste à dire « Ah bah oui, c'est les transpondeurs du CNES qui ne marchent plus ». Voilà, les Allemands nous disaient ça. On disait « Écoutez, oui, ils sont descendus à moins 80 degrés, évidemment, ils ne marchent plus ». C'est pas surprenant qu'ils ne marchent plus. Transpondeurs, c'est ce qui assure des communications. C'est ce qui fait la communication. Ouais, donc, un engin qui descend à une température très basse, il se peut que ça casse. Imaginez que vous plongez votre poste de radio dans l'azote liquide, la probabilité qu'il marche est proche de zéro. Voilà, c'est à peu près le même problème. Maintenant, on a la réponse. Nos transpondeurs, ils vont très bien, merci. Peut-être qu'il y en a un qui a un problème, mais l'autre va très bien, parce qu'on en a deux en redondance. Non, le problème, c'est que en 2014, Rosetta était à 30 km, tu me corriges si je dis une bêtise, et en 2015, Rosetta était à environ 150 km. Donc, entre 30 et vous avez un facteur 5, au carré, ça fait un facteur 25. Le résultat, c'est qu'on avait un signal. Alors, on est, vous voyez, dans une espèce de grotte et, où il y a une ouverture sur le côté. Et en plus, Philae est sur le flanc et ses antennes sont sur sa tête. Donc, vous imaginez que la tête, elle est actuellement, elle tape dans... l'antenne de communication tape dans la roche. Donc il est probable que soit on communiquait avec une antenne, un signal qui se réfléchissait sur la comète, soit on travaillait au bord du lobe de l'antenne. Probablement un peu des deux. Donc ça c'était en 2014 quand on était relativement proche à 30 km. Mais à 30 km ça a fonctionné, mais à 150 km, ça n'a plus fonctionné. Donc on avait un signal qui était bon, et tout d'un coup, pof, il s'arrêtait brutalement, et puis il revenait, et puis il s'arrêtait. Donc c'était pas une espèce de baisse, c'était vraiment des on-off, comme on dit dans le jargon, donc des coupures brutales. Et alors c'est pour ça que les Allemands disaient, bah, c'est probablement votre transpondeur qui marche plus, qui s'arrête, qui redémarre, qui s'arrête, qui démarre. Non, en fait, c'est le bilan de liaison qui était en dessous des seuils. Et voilà, l'intérêt de l'image, c'est de pouvoir dire... C'est pas nous. C'est pas, oui, voilà. C'est pas nous, c'est les autres. Il y avait d'autres questions avant monsieur ? Non ? Ah, c'était vous, bah oui, voilà. Je voulais revenir un petit peu sur les déboires de Rosetta. Son lancement, en fait, c'était pas cette comète-là qui était visée, il me semble, et à cause d'un incident avec Ariane... Ça a été changé, donc je voulais savoir un peu comment ça avait été géré de votre côté, les calculs des trajectoires et compagnie, si ça avait été compliqué. Non, bon après, il faut refaire un plan de vol. La mission a été un peu plus longue, la phase d'hibernation aussi. Mais je crois que globalement, pour la mission, ça a été un plus, parce que la comète initiale, je crois que Philae aurait eu beaucoup de mal à se poser dessus. Hein. La comète initiale était beaucoup plus petite, ça aurait été autre chose. Donc, ouais, non, ah, pas c'est de... C'est un point de vue intéressant, dit Francis Roca. Non, non mais... Peut-être. Bah, oui et non, ça dépendait à quelle altitude vous nous larguiez. Tout était là. Le débat était un peu là-dessus. C'est que, moi, je me souviens d'avoir vécu 10 ans de croisière où on demandait à l'ESOC, donc à Sylvain et à son prédécesseur, on voulait être largué, je crois, à 2 km. On n'arrêtait pas de dire, larguez-nous à 2 km. À la fin, on a été largué à 20 km. Bon, finalement, parce que... On a quand même déposé... parfaitement, voilà. L'important, c'était quoi ? Et Sylvain a raison. L'important, c'est qu'on se pose à une vitesse qui soit inférieure à la vitesse de libération. C'est-à-dire que si on rebondit, on repart pas. C'est ça qu'on ne voulait pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a rebondi et on n'est pas reparti. On a fait une belle parabole. On aurait atterri à 2 mètres par seconde. Il est probable qu'on aurait rebondi et on serait reparti. Et on avait tout perdu. On était quand même pas très loin de la vitesse d'échappement, hein, avec Philae. On est à quelques centimètres de seconde près. Voilà. Wow. Et pour on revient peut-être sur la choix de la comète. En fait, y a un certain nombre de contraintes mission. Par exemple, on ne veut pas que la mission dure trop longtemps. Après, il y a des contraintes sondes. Hein, on ne peut pas s'approcher à telle distance du Soleil. On ne peut pas s'éloigner à telle distance. Et en fait, si on met tout ensemble, il y a peu de choix. Donc, il restait que Churyov. Je voudrais vous faire écouter quelque chose d'assez étonnant. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, c'est la machine à café du matin, l'italienne, qui dit que le café... Il faut couper le gaz à ce moment-là. Ça monte, là, attends. Mais pour moi, c'est un peu le bip-bip de Spoutnik, mais on est un peu plus accéléré, quoi. Ça s'énerve, là, on dirait. Alors, il faut expliquer ce son. Hein. Ce son est très mystérieux. D'abord, c'est un faux son. Totalement faux. Il y a les faux sons, il y a les faux vrais sons. Celui-là, il est faux-faux, hein. On est bien d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un magnétomètre qui a enregistré ce signal. Donc ça n'a rien à voir avec un son. Parfois on utilise d'autres systèmes. Mais... Alors, d'abord il a été accéléré. Donc en fait, chaque bip que vous entendez, l'écart, la période, et pas le tic-tic-tic-tic de l'ordre d'un quart de seconde, mais c'est plutôt 25 secondes. Donc il a été accéléré 50 fois. Parce que c'est plus fun de l'accélérer 50 fois. Après, quand le responsable de l'instrument, quand il a mis ce son sur le site de l'ESA, il a dit « Je vous le donne, je n'y comprends rien ». C'est-à-dire que lui-même n'y comprenait rien. Il disait « Je ne comprends pas très bien d'où vient ce son ». Il a fallu plusieurs années d'études de la comète, notamment de mesures faites par Rosetta par la suite, parce que c'est le RPC, le Rosetta Plasma Consortium, qui a fait la mesure. Et finalement, ils ont compris. Un scientifique qui, à la fin, il comprend, c'est bien. Il est payé pour ça, hein, c'est son job. Mais à la fin, ils ont compris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que j'ai compris moi-même. Hein, mais d'accord. En gros, je vais essayer de symboliser ça avec cette table. Ce qui se passe, c'est que vous avez, dans mon dos, vous avez le soleil. Et le soleil vous envoie un vent solaire. Notre comète de n'est particules. Pas... De particules. Ouais. Ionisées. Essentiellement, hydrogène, hélium, avec des électrons et un petit peu du reste. Ce vent va quand même à 400 km par seconde, donc c'est un vent relativement rapide, et il percute la comète. Alors la comète n'est pas magnétisée. Dans le cas de la Terre, il y a ce qu'on appelle une magnétosphère qui nous protège des vents solaires, et donc les ions sont déviés. C'est pas ce qui se passe sur la comète. Mais par contre, la comète a une activité. Donc la comète elle-même, elle émet du gaz, et ce gaz a tendance à repousser ce vent. Ce qui crée, en amont du vent, donc de ce côté-là, le Soleil étant derrière moi, ce qui crée une frontière entre la cavité interne où il y a zéro vent solaire et la cavité externe où il y a le vent solaire qui vient taper. Et en fait, il semblerait que le son soit le bord de cette table qui serait non pas bien lisse comme ça, mais qui serait complètement oscillant. Et donc en fait, la sonde Rosetta devait passer alternativement dans ces différentes zones. Donc un coup, il y avait un signal, un coup, il n'y en avait pas. Et voilà, ça explique le bip bip bip qu'on entend, qui serait en fait une espèce de trajectoire tangentielle à cette frontière, qui expliquerait que le champ magnétique fait des montées et des descentes. Parce que la comète, ce que j'ai pas dit, c'est que la comète n'est pas magnétisée. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la comète n'est pas magnétisée. C'est pas un aimant. Non, non, mais c'est un fait, ouais. C'est une mesure. Il y a beaucoup de modèles qui disent que pour fabriquer des comètes et des petits corps au système solaire, un champ magnétique, ça aide. Ce champ magnétique, on l'aurait mesuré sur la comète. Donc, les gens qui prétendent que les modèles avec des champs magnétiques sont nécessaires, ben, ils se trompent. Il n'y a pas eu de champ magnétique à l'époque où la comète s'est formée, parce que sinon, la comète aurait conservé de façon rémanente ce champ magnétique. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez parler davantage des molécules prébiotiques qui ont été trouvées, comme la glycine, ce genre de choses? Alors, pas oui, le zoo. Un peu de zoo, s'il vous plaît. Voilà. C'est la page... Il faut parler du zoo parce que je trouve que cette notion de zoo est très bien faite. Parce qu'évidemment, les chimistes, c'est des gens voilà, qui sont dans leur monde. Moi, je ne suis pas chimiste, donc vous voyez, je ne suis pas très compétent en chimie. Et donc, pour simplifier un peu le problème, Madame Kathleen Alveig, qui est probablement une chimiste, a classé un peu ces molécules sous la forme d'un zoo. Alors, il faut décoder chaque animal. Alors je vais vous prendre les plus simples. Le serpent, c'est mortel. Voilà. À droite. Le serpent à droite, c'est poisonous molécule. Donc ces molécules, l'acétylène, hydrogène cyanide, c'est HCN. Vous savez, HCN, c'est mortel. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand la comète de Halley en 1910 a survolé et passé tout près de la Terre, la queue a physiquement balayé la Terre. Et on venait de trouver de l'acide cyanhydrique, HCN, dans la queue. Et donc, il y a eu une psychose sur Terre, notamment en Europe centrale. Il y a eu des suicides. Des gens étaient convaincus qu'on allait tous mourir. Parce que cet acide, dans la queue balayant physiquement la Terre, eh bien, l'acide cyanhydrique allait se répandre sur Terre et on allait être empoisonné. Alors que c'est extrêmement ténu, hein, ce qui est envoyé. La queue d'une comète, c'est très ténu. Alors, la girafe, bah, c'est les molécules qui sont très longues, donc c'est les chaînes linéaires. Vous avez on a un champ de pétrole, hein, méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, tout ça, c'est les résidus, c'est les molécules carbonées. Vous avez les alcools symbolisés par un singe qui est un peu comme s'il avait bu. Vous avez les grosses molécules bien lourdes, c'est l'éléphant. Et la glycine, le roi du zoo, voilà. C'est le roi du zoo. The king of the zoo. Ah, c'est le lion. C'est le lion. Alors, la glycine, c'est un acide aminé. C'est d'ailleurs l'acide aminé le plus simple qui soit. Et on ne s'attendait pas à ce que Rosina, donc cet instrument qui analyse que le gaz, découvre la glycine. On pensait le découvrir à travers Cosima, qui mesure les grains. Cosima n'a pas mesuré de glycine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'interprétation, c'est qu'au moment où je vous ai parlé de grains floconneux, ces flocons se dispersent. Et en plus, ils sont chauffés par le soleil. Ils montent à une température qui doit atteindre 150 degrés. Pourquoi? Parce qu'à 150 degrés, la glycine passe en phase gazeuse. Donc, la glycine sort du grain. Et à ce moment-là, Rosina sniffe la glycine. Donc, Rosina ne peut sniffer... Ne mesure que les molécules. Oui, gazeuse. Pas les grains. Les grains, ça, ouais. Ça bouche les tuyaux, hein, mais ouais. Il ne peut pas les mesurer. Donc Rosina ne peut mesurer que des molécules individuelles. Et alors, c'est une excellente nouvelle au sens où cette molécule, qui est un acide aminé, qui, je vous rappelle, rentre dans le fonctionnement des protéines, qui elles-mêmes, qui sont des très grosses molécules, rentrent dans le fonctionnement des cellules du vivant. Donc, on a affaire à une molécule prébiotique, c'est certain. Et C'est une surprise. C'est un peu pour ça aussi qu'on envoyait aux États, là, quand même. C'est pour trouver des molécules prébiotiques. C'est une semi-surprise. Ouais. Non, la surprise importante, c'est que on a la preuve, moi je le dirais comme ça, je ne sais pas si tous les scientifiques le disent comme ça, que cette molécule s'est fabriquée par photolyse, c'est-à-dire irradiation par des UV de petits grains de glace dans le milieu interstellaire quand ces grains sont à moins de 130 degrés, très très froid. Des glaces, vous envoyez des UV, c'est un peu le sujet de ma thèse, il y a longtemps, et ça fabrique des molécules. C'est-à-dire que H2O plus NH3 plus CO2, tout ça bien gelé, vous balancez des UV, ça vous fait des nouvelles molécules. Et ça vous fait de la glycine. Et ça, c'est un processus naturel qui a lieu dans le milieu interstellaire avant même que les grains s'incorporent dans les comètes. C'est une démonstration qui est assez percutante, je trouve. Néanmoins, c'est une semi-surprise parce que on a déjà trouvé quelques acides aminés dans les météorites. Voilà. Bon, après, vous avez le putois, bah, c'est la comète Putrefort avec H2S, qui est la boule puante, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est ce que vous avez dans les boules puantes des salles de classe, bien connues. Et vous avez également, vous n'avez pas de mythe sur la comète. Mythe. Parce qu'il y a de l'antimythe. Ah voilà. L'antimythe, j'ai perdu, c'est la naphtalène. Ah oui, la naphtalène. Donc vous avez quelque part, je ne sais plus où il est, vous avez la naphtalène. Donc c'est dans les aromatiques. Voilà. Ça sent, oui, la naphtaline, ça sent. Ça sent très fort. Bon, voilà, j'arrêterai là, mais on n'a jamais atteint un zoo aussi important, puisqu'on a dépassé la soixantaine de molécules. Après, vous allez me dire, mais pourquoi Cosima n'a pas trouvé des molécules un peu équivalentes ? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. C'est une déception. D'accord. Et c'est une surprise. J'ai eu une longue conversation avec Hervé Cotin qui est dans l'équipe Cosima. Je disais beaucoup de bêtises à ce sujet. Je vais donc vous dire moins de bêtises maintenant. La raison, c'est que le matériau organique cométaire, que parfois on assimile à tort ou à raison à de la suie, vous savez, qui encrasse les conduits de cheminée, ce matériau, c'est des espèces de macromolécules, on va dire infinies. C'est-à-dire que c'est des chaînes sans fin. On ne peut pas définir, il n'y a pas une formule chimique pour la molécule, puisqu'elle est continue sur de l'échelle de l'atome à l'échelle macroscopique. Donc quand Cosima, qui envoie des ions dans ses grains pour essayer d'en extraire les molécules, en fait, il extrait pas grand-chose. Il casse des groupements CH2, CH3, groupement méthyle, des petits morceaux, et rien d'autre. Alors, ce qui est très décevant, c'est que c'est le et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'a aucune grosse molécule. Et moi, je pensais que la technique, c'est là où je disais une bêtise, la technique d'extraction était mauvaise. Hervé Cotin me dit pas du tout. On a fait des tests de cette technique sur des mélanges de molécules. On peut extraire de la glycine si elle était là. Mais elle n'est pas là. Parce que si... Voilà, donc les tests au laboratoire montrent que des molécules du type de la glycine, on aurait pu les extraire. Donc il y a vraiment deux grandes populations de matière organique, celles qui sont là, dans le zoo, et un matériel qu'on appelle la MOI, qui s'appelle la... le M c'est quoi ? C'est la matière organique insoluble, MOI, qui est à peu près la même qu'on a dans les météorites. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans les météorites, on en est au même point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la définir avec une formule chimique. On a une matière... qui sont des macromolécules gigantesques, qui sont toutes un peu accrochées les unes aux autres. Alors dans un quart d'heure, on va se quitter, on arrive bientôt à la fin. Je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour parler d'ExoMars quand même. Et avant ça, peut-être revenir à vous, Sylvain Laudio, à ce côté très Armstrong que vous avez, calme, pondéré. Vous renvoyez du calme, hein, comme on entend dire parfois. J'ai cru comprendre que ça n'a pas été toujours le cas. Que vous n'avez pas toujours été aussi calme. Vous voulez nous raconter ça ? Ouais, je pense pas que mes parents disent que je sois très calme, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc c'est quelque chose qui vous est arrivé. À un moment donné, vous êtes devenu calme. Ouais, c'est possible. En fait, pendant le survol de la Terre, le troisième survol de la Terre, j'étais en train d'envoyer des instructions à Rosetta. Et je l'ai vu partir en safe mode devant mes yeux, donc provoqué par des instructions que j'avais envoyées. Et ça m'a mis hors de moi, je dois dire. Alors une semaine avant un survol de la Terre où on fait de la navigation précise parce qu'on veut passer à un point très précis près de la Terre, le safe mode basculant sur tuyère, donc créant des perturbations, etc. Et en fait, j'ai énormément appris de cet événement. Eh bien, parce que safe mode, donc c'est très embêtant, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Quand l'appareil se met en mode de sauvegarde, vous dites, est-ce que je vais pouvoir le récupérer, l'appareil, quand même? Oui, bien sûr, on en a déjà discuté avant, c'est un mode safe, mais bon, ça tombait mal, et puis c'est un changement d'un peu de trajectoire, ça a des conséquences. Ouais. Et donc là, vous êtes même demandé, quelles pouvaient être les conséquences pour vous? Oui, bien sûr, on pense un peu à toutes sortes de choses. Alors, par exemple, je sais pas, on va se faire servirer, ouais, bien sûr. D'accord. Et en fait, il s'est avéré que j'ai découvert un bug qu'il y avait au niveau de la masse mémoire de la sonde, donc un bug qu'on ne connaissait pas au sol, qu'on a découvert. Et voilà, et bien en fait, de ce moment-là, j'ai. Donc c'était pas vous le responsable? C'était pas moi. Là. Ok. Donc là, vous avez éprouvé votre transpiration. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de prouver que ce n'était pas moi. J'ai réussi le lendemain sur des modèles qu'on a au sol. Ça avait été testé au préalable. Ça avait été testé au préalable de mon Francis Rocard. Tu la testes avant de l'envoyer? Oui, bien sûr. Cette commande-là, on l'avait envoyée des dizaines de fois avant. Donc c'était. Voilà. Mais après, on se demande si on a suivi les procédures. Quand on fait du pilotage de sonde, on suit beaucoup les procédures. C'est un must. Et voilà. Et en fait, j'ai énormément appris de cet événement. D'abord, à garder mon calme et puis à bien mieux gérer le stress et la pression. Voilà. Cet événement-là, ça vous a dit... Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça m'a changé. Ouais. Ça vous a changé, voilà. Et c'est le Sylvain Laudio que vous avez ce soir. Donc, Francis Rocard, un petit mot, là. Oui, ces lignes de code, si je puis dire, qu'on envoie sur la sonde, on les teste au sol avant. Bien sûr. Je vais vous citer une anecdote parce que c'est évident. Là, j'ai posé la question à Sylvain, mais c'était pour qu'il le précise lui-même. Les codes que vous envoyez à une sonde, ils sont d'abord testés sur un modèle au sol avant de l'envoyer. Néanmoins, je vais encore parler de nos amis russes, c'est que les Russes sur Phobos 1 ont envoyé une télécommande qui était expérience numéro X, stop, arrêt. Oui, d'accord. Et Phobos 1, c'était une sonde qui partait vers Mars. Et la télécommande a mal été rédigée. Et la télécommande qui a été envoyée à la sonde est une télécommande qui est totalement interdite, mais pas en Russie, c'était Phobos 1 arrêt, qui est une télécommande interdite parce que la seule télécommande qu'on s'autorise, c'est Phobos 1 en mode veille, avec un transpondeur qui est à l'écoute au cas où il faut se réveiller. Là, si vous arrêtez une sonde, vous ne pouvez pas la réveiller, tout est arrêté, le transpondeur étant éteint. Elle ne peut plus communiquer. Donc, c'est une télécommande qui était utilisée sur les modes de test au sol, qui aurait dû être inhibée en vol, interdite. Et bien, elle a été envoyée et on a perdu Phobos 1 comme ça. Comme quoi, il faut de la fiabilité et de la qualité. Et après, bon, c'est des... Là, il a été viré, là, le gars, je pense. Il y a des logiciels dans pratiquement toutes les unités à bord. Et bon, c'est des centaines de milliers de lignes de code. Et on essaie de tester, bien sûr, au maximum au sol, dans des conditions représentatives. Mais ce n'est pas forcément le cas. On retrouve toujours des petits soucis en vol, qu'on peut corriger, bien sûr. Alors, Francis Rocard, alors, une question là, et puis après, on va parler d'ExoMars. Oui, on peut fixer du code à chaud comme ça, on peut pousser du nouveau code vers la sonde pour la mettre à jour. Est-ce que tous les composants sont comme ça ou il y a vraiment que certaines choses qu'on peut mettre à jour comme ça? Alors, on peut, tout ce qui est du logiciel, on peut faire comme ça. Ouais. Alors après, en fonction des modifications, soit on fait un patch ou on recharge entièrement le logiciel. Si on prend le logiciel capteur d'étoiles, on a discuté de confondre les poussières avec les étoiles. Là, ça aurait été, si on avait voulu modifier le code, ça aurait été plus difficile parce que déjà, nous, on ne l'avait pas nous-mêmes sur place à l'ESOC. Celui qui a fabriqué le code n'existe plus et toutes les machines et les environnements n'existent plus non plus. Donc là, ça aurait été très compliqué. Mais sinon, pour tout ce qu'on a, tout le logiciel qu'on a, ou si Airbus est encore présent, on peut faire plein de choses. Ouais. Francis Rocard, ExoMars, demain, l'Europe se pose. Alors, on a déjà envoyé un petit Beagle 2 à la surface, l'Europe, mais qui n'a pas fonctionné. Et là, on a ce gros atterrisseur conçu et construit avec la Russie. Vous êtes confiant? On va avoir de la bonne science, là? Alors, en fait, il s'agit de Schiaparelli, qui est en ce moment même a été largué de TGO, le 13 Gas Orbiter, qui est son porteur. Et le 16, nous sommes le 18, donc avant-hier, et demain le 19, donc trois jours plus tard, Schiaparelli va faire une rentrée directe dans l'atmosphère. Et TGO, pendant ce temps, va tourner autour de Mars, freiner, parce que c'est le seul moyen de s'insérer en orbite. Donc, d'ailleurs, pour vous donner une idée, TGO va allumer son moteur de freinage pendant 2 heures et quart. C'est beaucoup. Alors, tu as dit une erreur, c'est-à-dire que Schiaparelli est 100% européen. Il n'y a pas de Russes là-dedans. D'accord. Non. Les Russes ont fourni le Proton et les Russes sont impliqués... C'est-à-dire le lanceur. Le Proton, le lanceur, la fusée. Et les Russes sont impliqués sur le système d'atterrissage de la mission 2020. Mais Schiaparelli, c'est 100% européen. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il s'agit pour l'Europe d'apprendre à se poser sur Mars. C'est compliqué de se poser sur Mars. Aujourd'hui, il n'y a que les Américains qui maîtrisent ces technologies. Beagle 2 a été quand même un échec. Hein, c'est un échec total. C'est un engin britannique. L'engin est à 97% britannique, oui. Donc, les Britanniques n'ont pas réussi. D'ailleurs, nous savons depuis 2015 qu'en fait, ils avaient réussi à se poser sur Mars. Puisqu'on voit le parachute qui est déployé, donc toute la séquence maintenant on la comprend bien. Par contre, Beagle avait c'est une espèce de poêle à frire qui s'ouvre, et vous avez un grand panneau solaire, mais en plus vous en avez 4 petits qui s'ouvrent pour faire une espèce de pétale complète. Et en fait, on a pu voir sur l'image que les 4 plus 1, 5 panneaux solaires n'étaient pas déployés. Or, en termes d'énergie, il fallait les 5 pour que le calculateur se mette en route et que Beagle démarre et puisse communiquer avec la Terre. Donc l'explication de l'échec de Beagle, c'est celui-là. C'est le déploiement qui n'a pas fonctionné. Nous, on veut apprendre. Je précise tout de suite, parce que beaucoup de gens font l'erreur, c'est pas ce qu'on va apprendre en 2016 qui va nous permettre de nous poser en 2020. Non. Ce n'est pas ce qu'on va apprendre en 2016 qui va nous permettre de nous poser en 2020. Non. Je croyais qu'au contraire. Mais non. Réfléchis 3 secondes. D'accord, excusez-moi. 4 ans d'écart, c'est trop court pour réagir. C'est-à-dire qu'il faudrait que d'ici demain, on dise bon, ça a marché, donc on va le fabriquer pour 2020. Ben non, c'est pas possible. Ça, bien sûr. Mais si ça ne marche pas, est-ce qu'au contraire, on ne va pas arrêter 2020 parce que... Non, non, non. Non. Parce 2020, que... pour toi, c'est lancé? Parce qu'il y a quelques centaines de millions d'euros non. à trouver. Laisse-moi parler. Encore. Non. Mais je pose ma question quand même. Non, parce que c'est les Russes qui font le système. C'est pas du tout le même système. C'est le système russe en 2020, c'est un système purement européen en 2016, donc ils sont totalement... Il n'y a rien de commun. Donc, échec ou pas, la mission de 2020 se poursuivra. Et la mission est vraiment un démonstrateur, au sens qu'elle est très très limitée, notamment sa durée de vie, qui est de l'ordre de moins d'une semaine. Donc il va y avoir quelques instruments qui vont fonctionner pendant une petite semaine, et ensuite Schiaparelli est terminé. Il n'y aura pas d'image, hein, Il y aura des images pendant la descente. Ouais. On a une caméra de descente. D'accord. Mais aussi curieux que cela paraisse, il n'y a pas de caméra qui va filmer le paysage. Je trouve ça un peu dommage. Mais il paraît qu'il n'y avait pas la place, pas l'argent, pas les moyens, pas ceci, pas cela. Donc c'est triste, mais donc la preuve que Schiaparelli fonctionne sur Mars sera un peu indirecte. Ce sera quoi? Un signal? Ça sera un signal que Schiaparelli envoie une information, que postérieur à demain 17h, cette information ne peut venir que de Mars, puisque à 17h00, enfin 16h58, il se pose. Et donc, Franck Montmessin, qui est responsable d'un des instruments qui s'appelle MicroARES, lui, s'il reçoit un signal qui lui montre qu'il y a une augmentation de champ électrique, il comprendra qu'il y a un Dust Devil qui est passé loin, donc il sait qu'il est sur Mars. Et voilà, 16h58, tout ça est un peu indirect. 16h58, c'est l'heure à laquelle on se pose ou c'est l'heure à laquelle on reçoit le signal? On sait qu'on se pose. C'est 16h58, y compris les 10 minutes de trajet vers la Terre. C'est vraiment l'heure de Paris. Voilà. D'accord. Donc on se retrouve à Poissy demain, Francis ? On se retrouve à Poissy. Alors, c'est où Malheureusement, je ne sais plus exactement où c'est. C'est un Poissy-Exomars et on va trouver. Voilà, je crois que Poissy-Exomars, on va trouver. Il y aura 1000 personnes. Hein, ce sera l'amphi est très grand, il y a beaucoup de place, donc pas de problème. D'accord. On ne refusera personne, ne vous inquiétez pas. C'est pas comme ce soir, ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, vous avez compris à quel point avec Rosetta, on a vécu une aventure extraordinaire du point de vue scientifique avec cette glycine, par exemple, cette molécule prébiotique qui a été découverte dans l'atmosphère, si je puis dire, autour de la comète. L'origine de l'eau, cette question-là, eh ben, on sait aujourd'hui que des comètes comme comme Churyumov-Gerasimenko n'ont probablement pas contribué, ou peut-être en tout cas petitement, à l'origine de l'eau terrestre. Et puis on a eu plein de premières. La première fois qu'on a accompli des orbites autour d'une comète, la première fois qu'on a largué un atterrisseur, la première fois qu'on a su suivre une comète comme ça pendant des mois, la première fois qu'on s'est crashé sur une comète. Donc plein de premières européennes. Ça aussi, ça, en plein Brexit, ben, on se dit, excusez-moi, mais l'Europe, elle peut faire des choses assez extraordinaires quand on s'y met tous ensemble, parce que c'est sûr que les uns à côté des autres, on ne va pas y arriver. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que ce que vous avez vécu ce soir, eh bien, ça va se reproduire 8 fois pendant l'année. On va parler de New Space, de la guerre des étoiles, de l'homme dans l'espace, de la galaxie, d'ExoMars. C'est pas fini, ça continue. Pour ce soir, c'est fini. Et donc, bah, c'est le moment, évidemment, de remercier très, très, très chaleureusement nos deux intervenants de ce soir qui ont su nous expliquer, nous passionner. Et puis, non seulement être dans l'explication, mais nous faire ressentir de l'intérieur comment eux, ils ont vécu les choses, ces événements extraordinaires dans une vie. Hein. Je ne sais pas comment vous allez vivre, Sylvain Laudio, dans les années à venir, parce que là, vous devez être un peu orphelin. En tout cas, voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Sylvain Laudio, Francis Rocard. Merci infiniment et on se retrouve donc le 15 novembre pour parler du New Space, un vent nouveau souffle dans l'espace, le New Space, dans un mois. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.